écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. La chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables à Assemblage requis, bien sûr. Bien sûr. Et c'est VVV selon Internet. Double V. Des fois, on est surpris, puis finalement, c'est pas vrai. Triple V. Triple V, oui. J'avais même pas de corriger parce que je m'en étais pas rendu compte. Oui. Triple V. Oui. Quand il y en a trois, c'est triple. C'est triple. Trio. Triple crème. Ouais, ben, tu sais, c'est comme les jumeaux et les tripés identiques. Oui. Oui, parce que savais-tu que si deux femmes jumelles identiques mariaient des jumeaux identiques et qu'ils avaient des enfants, leurs enfants seraient génétiquement des frères et sœurs des deux bords. Mm-hmm. Mm-hmm. Même si c'est pas vraiment ton enfant, mais ce serait quand même le frère de l'autre puis la sœur de l'autre. Wow! Ensuite, on a un petit chat. La photo sur assemblagerequis.com. C'est le deuxième lien dans la chronique, c'est un fait. Ben, Monsieur Peebles. Peebles, P-E-B-L-E-S, et non pas Pebbles, comme P-E-B-B-L-E-S, comme dans les pierres à feu. Donc, Peebles a peut-être l'air d'un chiot, mais en fait, il a 2 ans. Ce petit chat a une défectuosité génétique qui empêche, dans le fond, qu'il grandisse. Il fait seulement 6,1 pouces, donc 15,5 cm de haut, et 19,2 pouces, ou 49 cm de long. Il a la certification du Guinness Book of World Records en tant que le plus petit chat du monde. Ouais. Il est sur des ben, en tout cas, je pense pas que la photo soit complètement... Mais peut-être 6 cm, c'est tellement petit que ça se peut, j'imagine. Mais la photo, elle a refait à mort. Ouais, quand même. Hein? Mais tu sais, tu peux pas qu'il dorme avec toi. Et hop, poup! Oh non! Je me suis assis sur mon chat. Oh non! L'argent de papier n'est pas fait de bois, mais plutôt de coton. Ce qui veut dire que ça se désintégrera pas aussi rapidement si on le met au lavage. Ouais, je me demandais pourquoi, justement. C'est ça, parce qu'on met l'argent au lavage assez souvent. Là, on parle évidemment de l'argent américain. L'argent canadien, j'imagine que c'est la même chose. Pas mal, potentiellement. Ça a quasiment l'air plastique, celle du Canada, par contre. Peut-être plus plastique que coton. Ouais. Coton. Ça respire bien. Oui. Un requin. Le requin est le seul poisson. C'est bien un poisson, un requin, et non un mammifère. C'est laquelle? C'est la baleine? C'est le dauphin. Le dauphin. C'est mêlant, ces affaires-là. Bref, qui ne peut pas cligner les yeux avec ses deux yeux en même temps. Ah, qui peut, en fait, qui peut cligner les yeux, les deux yeux en même temps. Parce que les autres, un après l'autre, ils font tout le temps des clins d'œil. Des clins d'œil. Voilà. Faut essayer de les dire correctement. Déjà que les faits sur Internet, on n'est jamais sûr si c'est vrai. Faut les dire correctement, en plus. Les diamants ont été découverts dans la région Golconda, en Inde, il y a plus de 4000 ans. Les diamants, il y a 4000 ans. Le nom Wendy a été inventé pour le livre Peter Pan. Ah oui? Ça n'existait pas avant. C'est vrai, Wendy, c'est la fille. La petite, la fée. Oui. Pas la fille, la fée. La fée? Ou la fille? C'est la fée? Je sais pas. Attends un peu, on va aller voir. Wendy, Peter Pan. Moi, je pense que c'est la petite fille. Ça se peut, ça. Oui, c'est la petite fille. Parce que là, c'est la fée clochette. Elle a des petits cheveux genre un roux, si on veut. Mais oui, c'est la fille. Le nom du personnage qui est derrière les barreaux dans un jeu de Monopoly, je sais que tu joues à ça des fois. Oui. C'est Jake the Jailbird. Ah! Oh, Jake. Pense à côté de Jake. Jake. Ensuite de ça, la manicure des ongles. On effectue ça sur les gens depuis plus de 4000 ans. Donc à peu près en même temps que les diamants. Donc oui. La femme a commencé à être bien traitée. Oui, il y a 4000 ans. Sûrement pas. Un couteau coupant. Fait moins de dommages à un oignon. Donc, ça relâche moins de ce qu'on appelle du propanethyl oxide, qui est l'irritant qui te fait pleurer. Donc, si t'as un couteau vraiment coupant, ça va moins endommager ces affaires-là, ça va moins te faire pleurer. Aha! Aha! Donc, le gars qui annonce son couteau à la TV dans les infos pubs, là. Ouais. C'est l'affaire qu'on peut voir à travers une tranche d'oignon. Je sais pas trop quoi, t'as-tu vu ça? Ah oui, ça me dit quelque on chose. On peut lire le journal au travers! Oui, j'ai toujours voulu me faire des lunettes d'oignon. Ben oui. Un excédent-thésiaste. Qu'est-ce que c'est, un excédent-thésiaste? Ça, c'est quand t'as trop, mettons, de thésiaste. Thésiaste, hein? Oui, tu fais trop de désastres. Ah, OK. T'as un excédent de désastres. Peut-être. Mais non, c'est un excédent-thésiaste, oui, c'est une personne qui cache sa douleur derrière un faux sourire. Oh. Un fake smile. Une nouvelle étude nous apprend que les dauphins sont les seuls animaux qui peuvent s'appeler l'un l'autre par leur propre nom, autre que les humains. Ah. Salut Kiki. Kiki. Salut dude. Dude bro. Une université canadienne a construit ce qu'on appelle une puppy room sur son campus où les étudiants peuvent aller relâcher leur stress en jouant avec des chiots. Ah. Ça relâche les tensions. Donc, appel à halte garderie à l'UQTR. Bientôt. La halte chiot. Halte chiot. Kate Winslet est la plus jeune actrice à avoir été nominée pour 2 Oscars pour son rôle dans Sense and Sensibility à l'âge de 20 ans et Titanic à l'âge de 22 ans. Donc, elle est la plus jeune à avoir été nominée pour 2 Oscars. Mais je pense qu'on dit nommée. Hein. Les lémures noires frottent des mille pattes contre eux autres pour couvrir leur fourrure de cyanide d'hydrogène pour éloigner les insectes. Ah, les mille pattes. Ben, ça servait à quelque chose. Ben oui, ben on peut faire ça aussi à la maison. Oui, facile. Ben oui. Juste en trouver. Oui. Et voilà. Les colliers pour chiens avec des pics dessus ont été inventés en Grèce antique. À l'origine, c'était supposé empêcher les chiens de se faire attaquer par des loups. Donc, ça protégeait leur gorge des loups. Ben oui. Puis après ça, c'est devenu la mode pour les humains aussi. C'est ça. C'est ça. Pour pas se faire manger le côté, là. En prison, c'est bien populaire. Oui. Les scientifiques ont découvert ce qui s'appelle la Universal Law of Urination, la loi universelle de l'urine, si on veut. Donc, alors ça, on a déjà parlé, je pense, que ça prenait aux mammifères, peu importe leur grandeur, en moyenne 21 secondes pour faire pipi. Ah. Tous les mammifères, dont les humains, 21 secondes. Ah ben. Pourquoi pas. Est-ce que tu surestimes, sous-estimes cette donnée? Ben, on regardera tantôt. OK. On fera des calculs. Live à la radio. Va mettre ton petit micro, cravate. Ou, oui. Mot du jour entier. C'est en anglais. Le mot du jour, bubbleheading. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu comme les bubbleheads? Ben, c'est quand l'équipe d'une compagnie va tout le temps faire « oui, oui » quand le patron parle. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, oui. Dans une réunion pour faire semblant qu'ils comprennent. D'accord. Un scientifique des ordinateurs a développé de faux cils métalliques et de l'ombre à paupières conductrice. Donc, elle peut lancer des mini-drones, tu sais, des petites affaires, des petits avions sans contrôle humain, quand elle cligne des yeux. C'est une scientifique... qui a créé ça. Waouh, c'est une bonne idée quand même. Faut que tu fasses attention. Oui. On cligne beaucoup les yeux des fois. Prêt au décollage? Non. Non. Ah, trop tard. Oups. On dit qu'il pourrait y avoir plus de 10 milliards de trillions d'étoiles dans l'univers, mais environ seulement 3000 qui sont visibles à l'œil nu. 10 milliards de trillions, ça commence à faire mal. C'est quand même beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que la bibliophobie? Abibliophobie, un A là. Ben ça, c'est quand tu ne veux, t'as peur de ne pas aller à la bibliothèque. Ah, c'est la peur de manquer de matériel de lecture. Ah. Donc, t'as dit la peur de ne pas aller à la bibliothèque? Ouais. Ouais. Ça pourrait être. On n'est pas loin, Je pense que c'est celui que je suis allé le plus proche. C'est rare quand même, ouais. Un homme handicapé a poursuivi les restaurants Chipotle parce qu'il ne pouvait pas voir son burrito en train d'être fabriqué. Donc, ça lui a enlevé l'expérience complète de Chipotle où tu peux. C'est un peu comme chez Subway. Tu fais faire ton sandwich, ce que tu veux manger devant toi. Et il pouvait pas. Donc, il les a poursuivis. Il a gagné. Bah! Il a gagné. À chaque fois que tu lèches un timbre, tu consommes 1/10 de calories. Ah oui. C'est parce qu'il y a diète, tout ça. Un poisson rouge enceinte s'appelle un tweet. OK. Ouais. T'es-tu tweet, toi? T'es-tu? Ben oui, je t'enseigne. Maudit newfie. Bon. Ensuite, l'ongle du pouce, en fait, pousse le moins vite. L'ongle du majeur le plus rapidement, presque 4 fois plus rapidement que les ongles de tes pieds. Ça, tu savais que les ongles de tes pieds poussaient 4 fois moins vite? Ouais, non. Donc, c'est normal que tu te coupes les ongles des doigts 4 fois plus souvent. 4 fois, oui. Ben, en fait. Oui. Ouais, à peu près. Oui. Intéressant. Mais celui du pouce pousse plus vite. Pousse. Plus lentement, c'est ça qu'on vient juste de dire. Oui. Toi, quand tu parles, plus lentement. L'œil humain n'arrête jamais de grossir. Ne grossit jamais. Caroline, que je lis mal à matin. Donc, les yeux humains ne grandissent jamais, mais le nez et les oreilles n'arrêtent jamais de pousser, grandir. Voilà. Bizarre, oui. Hein? Ben, je m'en allais, ouais. Ben, t'as juste à regarder Robert Charlebois. Hein? Oh, parce qu'il était là hier à la disque. Ah, OK. Puis il chantait, puis tu sais, à chaque fois, moi, ça m'impressionne. Le gros nez. Oui, oui. Un Nord-Américain moyen va manger environ 35 000 biscuits dans sa vie. 35 000. Au 18e siècle, on parle de gambling. Ici, il y avait un employé dans les places où on faisait du gambling que sa seule job était d'avaler le dé si la police se faisait une descente. Donc, dans le fond, il faisait du gambling puis il n'y avait pas le droit, donc il avalait le dé. Tom Sawyer est le premier roman à avoir été écrit sur une machine à écrire. OK. Intéressant. L'icône sauvegardée sur Microsoft Word montre une disquette, encore en 2014. On voit tout une disquette pour sauvegarder. Oui. Ils n'ont jamais trouvé d'autres symboles pour ça. Mais le shutter, la petite plaque de plastique, et avec le truc, le trou en arrière, est du mauvais côté. Ah ah! Dans certaines versions de Microsoft Word, bien sûr. J'imagine qu'ils ont dû le régler éventuellement. La Terre vit 50 000 tremblements de terre par année et se fait frapper par l'éclair 100 fois par seconde. Wow. Pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Toi, qu'est-ce que t'as fait pour mériter le nom Jean-Philippe? Jeep. Et le mot Jeep vient de l'abréviation qu'on utilise dans l'armée. GP pour General Purpose Vehicle. Donc, c'était un véhicule à utilité générale. Ben voilà. Tu peux faire ce que vous voulez avec moi. Tu sers à tout. Bien efficace. Depuis les 3500 dernières années, il y a eu environ 230 années de paix, si on les met tout ensemble, dans le monde. 230 années de paix. Depuis quand? Depuis les 3500 dernières années. C'est quand même une longue période. Ouais. Un bébé éléphant va sucer sa trompe un peu comme un humain sucerait son pouce. Oh, c'est cute. T'as mort. Il va y avoir 750 millions de personnes mortes avec des profils Facebook d'ici à l'année 2112. Oui, 2112. 750 millions de personnes mortes avec des comptes Facebook. Il y a environ entre 30 et 50 tueurs en série qui sont actifs aux États-Unis en ce moment. Entre 30 et? Entre 30 et 50. On va pas nécessairement vouloir habiter aux États-Unis. Ben, ça dépend du coin. Bon. Ils sont peut-être bien concentrés dans un endroit. Les gens vont souffrir environ en moyenne 9000 blessures mineures dans leur vie. Donc, on parle de. C'est peut-être pas se casser un ongle, mais au moins s'ouvrir un doigt. Ouais, se couper avec une feuille de papier. C'est ça. Oh, paper cut. Les gens qui dorment moins vont se saouler plus rapidement que les gens qui dorment beaucoup. C'est un fait. Les gens qui dorment moins ont tendance à vouloir plus de junk food. Les gens qui dorment trop vont vouloir plus de sommeil. Donc, tu sais, l'un et l'autre. Le contraire de l'autre. On dit qu'un homme sur 10 est psychopathe sur Internet. C'est ce qu'on dit. Un homme sur 10 est psychopathe. Pas sûr. Les biologistes d'évolution, ceux qui étudient l'évolution, disent que tous les humains, éventuellement, avec le chassé-croisé des couples et des relations sexuelles, on va tout finir qu'on va avoir l'air de Brésiliens. Ah! C'est une bonne chose, au pire, si on a l'air de ça, c'est joli. Ouais. Oui, les Brésiliens, caliente. Okay. Oui, j'imagine, si on veut. Tous les livres dans le bureau de Dumbledore dans Harry Potter sont seulement des livres des pages jaunes qui ont été arrangés pour avoir l'air vieux. Oh. Nous dit-on, là. Des choses comme ça qu'on peut pas savoir. Hein. Mais ça se pourrait, tu sais, un retour de batch. Là. Peut-être. En même temps, c'est toute la même grandeur, ça? Ouais, mais là, ils ont dû les découper. Peut-être. Ah, j'avoue. Ouais. Les Allemands ont un mot qui est le suivant, attention. Archgouet. Ce qui veut dire tramp stamp, c'est le thème qu'on se fait dans le bas du dos. Et si on traduit littéralement archgouet, ça veut dire ass antlers, donc des cornes de fesses. Ah oui, OK. Ça les sort. Deux, les... C'est beau. Oui. Ton petit orteil n'est pas nécessaire pour marcher. Certains experts croient qu'avec l'évolution, un jour, on n'aura plus de cinquième orteil. Oh. Ça, c'est triste, le petit orteil. On ne pourra plus se péter quelque chose. Non, mais c'est cute, le petit orteil. Mais moi, il est tout petit. Ah, félicitations. Ouais, pas mal plus petit par rapport aux autres, vraiment... Vraiment, puis il est tout recroquevillé vers le côté. C'est presque un monstre, finalement. C'est un moche, un monstre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que l'ergasiophobie? La quoi? L'ergasiophobie. L'ergasio, ergo, hein? Hein? Oui, azio, évidemment. L'oiseau, oui. Phobie. La peur d'avoir mal au dos quand t'es un oiseau. Wow, t'as comme mis aucun effort là-dedans. Non. Donc, c'est la peur de travailler, l'ergasiophobie. La peur de mettre un effort de travailler. Ah ben oui, finalement, quand on y pense. Et sauter ton déjeuner, ça va faire que ça va être plus difficile pour ton corps de brûler des calories. Donc, si tu inclus un déjeuner dans ta diète, évidemment, ça va t'aider. Nous dit Internet, encore une fois, pas un expert là-dedans du tout, et pas un expert en grand-chose, on peut comprendre ici. Mais on nous dit que si tu manges un morceau de chocolat avec ton déjeuner, ça va faire que ça va être plus facile pour toi de brûler des calories. Ah ben. Oui, c'est ça. Pas manger genre du bacon puis des saucisses. Non, c'est ça. Ça aide pas à ta diète. Ça aide pas du tout. Donc voilà, c'est un fait. Évidemment, c'est des faits selon Internet. Oui. On le dira jamais assez. Et on le fait pas. On le dit pas jamais assez. Non. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On parle ici de Tana Climber. Elle a 14 ans et elle vient de trouver un diamant de 45 000 euros lors d'une sortie familiale. Peut-être que les enfants vont avoir le plus le goût de sortir en famille désormais. Donc, situé au cœur de l'Arkansas, le Crater of Diamond, cratère aux diamants, est un parc unique au monde. C'est la seule mine de diamants ouverte au public. Tous les jours, des passionnés ainsi que des familles entières d'amateurs viennent tenter leur chance. Si beaucoup repartent bredouille, cela n'a pas été le cas de la famille Climber. Quant à Tana Climber et sa famille arrivent sur place, ils ne perdent pas une minute pour commencer à prospecter. Après 2 heures à creuser en vain, Tana décide de chercher à la surface. 10 minutes plus tard, c'est le jackpot. La pierre qu'elle découvre et qu'elle prend pour du marbre à première vue est bel et bien un diamant. Et pas n'importe quel, avec une masse de 3,85 carats. C'est la plus grosse des 400 pierres précieuses qui ont été découvertes dans ce parc depuis le début de l'année. Sa valeur est de environ 60 000 $. Mais quand est-ce qu'on y va, nous autres aussi? J'ai le goût d'y aller, là. Atlanta, dans l'Arkansas, au Crater of Diamond, ça nous tente, hein? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont y aller. Donc, immédiatement, la jeune fille a rejoint en courant le reste de sa famille à quelques mètres devant elle. Et très croyante, elle prie avec eux pour remercier Dieu. Qu'elle estime à l'origine de cette découverte. Tana explique, je pense que c'est Dieu qui me l'a indiqué. J'étais sur le point de courir pour rejoindre ma famille, mais il m'a dit de ralentir et de regarder. C'est là que j'ai trouvé ce merveilleux diamant. Pour elle, le nom de Caillou est, est trouvé. Ce sera God's Jewels. Donc, le joyau de Dieu. L'adolescente a confié qu'en raison de l'excitation, elle avait eu beaucoup de mal à trouver le sommeil le soir de sa découverte. Le destin du diamant n'est pas encore scellé et Tana ne sait pas encore si elle s'en servira pour fabriquer une bague ou pour payer ses études. Tana n'est pas la première adolescente à découvrir un diamant puisqu'en juillet dernier, un enfant de 12 ans était déjà tombé sur un diamant de près de 5 carats. Et c'est d'ailleurs à la suite de cet événement que la mère de Tana avait demandé à son mari d'amener toute la famille au Crater of Diamond. Donc, l'an prochain, au lieu d'aller à Disney World puis dépenser plein de cash, allez donc au Crater of Diamond. Peut-être que vous allez en remporter plein de cash. C'est assez particulier quand même d'avoir une mine comme ça à ciel ouvert et les gens peuvent se servir. C'est bien. Très, très bien. Ici, on s'en va plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. C'est en Belgique et il y en a partout de ça, hein, on le sait. Des radars tronçons qui vont être désactivés car ils sont trop efficaces. Depuis la semaine dernière, la police belge est contrainte de débrancher de temps en temps certains radars photos, hein, devant le trop grand nombre d'infractions enregistrées. Vous avez bien compris, ça fonctionne beaucoup trop bien. Hein? C'est ça, sur une autoroute près de Gand, en Belgique, 100 000 personnes ont déjà été flashées depuis le début de l'année par des radars tronçons, nous on appelle ça des photoradars. Et selon la Libre Belgique journal, eh bien ces nouveaux appareils, contrairement aux autres types de radars, peuvent mesurer la vitesse moyenne des véhicules sur plusieurs kilomètres et non en un point unique. Ah, c'est ça la chose. Mais de nombreux automobilistes refusent de payer l'amende et les parquets se retrouvent actuellement débordés. En effet, un dossier est créé à chaque défaut de paiement et on compte aujourd'hui près de 23 000 procès-verbaux en attente au parquet de Gand. Le parquet de Termonde est également surchargé par de nombreux dossiers qui affluent chaque jour. Ainsi, en attendant de pouvoir traiter toutes les infractions, la police belge a décidé de débrancher régulièrement les radars afin de se donner un peu d'air. Elle assure néanmoins que tous les PV seront traités. À titre de comparaison, on a recensé 16 000 infractions enregistrées par un radar tronçon à Liège dans les 6 derniers mois, soit 5 fois moins qu'à Gand. Mais les radars ne sont pas les seuls à entraîner une multiplication des infractions qui peuvent être aussi dues à des défaillances techniques, ce qui est arrivé jeudi dernier aux environs de Genève, en Suisse. Un radar s'est en effet emballé pendant une heure, flashant tous les véhicules qui passaient. J'étais arrêté au feu rouge et c'est en démarrant tranquillement que j'ai été flashé, raconte Florian, un automobiliste victime du radar devenu fou et relayé par la version suisse de 20 minutes. Il a alors fait demi-tour et a pu se rendre compte qu'il n'était pas le seul. Tous les véhicules se faisaient flasher par l'appareil. La police genevoise, a admis qu'il y a eu bien un dysfonctionnement pendant une heure et promet qu'aucune amende ne sera envoyée. Le film venait d'être changé. Il a été intégralement détruit. Comment ça, le film? Ils mettent des films là-dedans? C'est ridicule. On n'est pas au numérique, là. Ils font développer des photos, puis tout. C'est n'importe quoi. Sérieux, je crois pas ça, mais pas du tout. Cette phrase-là est ridicule. Voici, on fait développer des photos sur pellicule. Voyons donc, c'est du numérique, là, hein? Le film venait d'être changé, il a été intégralement détruit. De toute manière, quand la brigade du trafic constate que l'autobus a été flashé au vert, rien n'est envoyé, assure Sylvain Guillaume Gentil, OK, porte-parole de la police genevoise, qui ne connaît rien à la photographie en 2013. Ça, c'est clair et net. Et puis, tiens donc, on s'en fait une petite dernière. Oui, on va aller parler de cet ermite condamné à la réinsertion aux États-Unis. Donc, ça se passe dans le Maine, à Augusta, plus précisément. C'est un Américain âgé de 47 ans qui vit depuis 27 ans en ermite dans les bois du Maine. Et il a plaidé coupable lundi de vol et de cambriolage en échange de sa participation à un programme de réinsertion en société. Le juge Nancy Mills de la Cour supérieure du Maine a ordonné que Christopher Knight travaille à temps plein et soit scolarisé ou participe à des activités bénévoles. Il doit également bénéficier d'un suivi médical pendant un an pour s'assurer de son retour au sein de la communauté. C'est quelqu'un qui n'a eu de contact avec personne pendant les 27 dernières années, a souligné son avocate Walter McKee. C'est une affaire très particulière, une peine unique pour quelqu'un d'assez unique aussi. Christopher Knight a déclaré s'être réfugié dans la forêt après la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 86 et n'avoir eu que peu de contact avec d'autres personnes depuis. Arrêté en avril dernier alors qu'il était en train de voler de la nourriture dans un campement de jeunes de l'État du Maine, il a plaidé coupable à 13 chefs d'accusation de cambriolage ou de vol retenus contre lui. La police estime que Christopher Knight s'est rendu coupable d'un millier de cambriolages en tout. Quand même, mais bon, il faisait qu'est-ce qu'il peut pour arriver, mais en tout cas, hein, c'est un grand dossier à jaser qu'on pourrait faire. Tiens, parlons de grand dossier. On va aller faire quelque chose, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait, et puis je m'ennuie de ça, puis je me l'ai fait dire quelques reprises. Est-ce que tu fais des tunes encore, les mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie? Eh bien, c'est le moment tant attendu, en tout cas par moi-même. Et aujourd'hui, on va écouter une pièce d'un grand, et je dois montrer mon humilité, là. Otis Redding, je connaissais. Je ne connais pas très bien, je n'ai pas été souper souvent, très très souvent avec. Mais la pièce de quoi on va parler, eh bien, je ne croyais pas que c'était une reprise. On parle de la pièce Hard to Handle. Moi, j'avais découvert cette pièce-là dans les années 90 avec l'excellente formation Black Crowes. Mais non, ça nous vient de Otis Redding. Alors, pour la petite histoire, les auteurs sont A. John, A. Isbell et Otis Redding. La production, c'est Steve Cropper. Le label, c'est Hatco. Et l'album original sur quoi il y avait Hard to Handle, c'était The Immortal Otis Redding en 68. Pour la petite histoire, j'y vais tout de suite comme ça. Le titre Hard to Handle a été gravé à la fin de l'année 67 lors des sessions qui se révélaient être les dernières de Redding. C'est également là qu'a été enregistré Sitting on the Dock of the Bay, qui vaudra au chanteur un numéro 1 posthume dans les Hit Parades. On cite souvent Dock of the Bay pour montrer que l'artiste prenait une direction différente, plus acoustique. Mais Hard to Handle vient infirmer cette hypothèse. Depuis son riff d'ouverture au piano swingant, eh bien, c'est de la dance music R&B pure et dure. Redding était connu pour ses chansons tendres, avec des pièces comme These Are of My Mind, My Girl, ou My Girl, do do do, my girl. Bon, vous comprenez? I've been loving you too long. Mais il était autant à l'aise dans les chansons soul hyper rapides. Les premiers mots de Hard to Handle sont, on ne peut plus explicite. Hey there, here I am. I'm the man on the scene. I can give you what you want. But you got to come home with me. Hey, c'est moi en scène. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mais viens d'abord chez moi. Viennent ensuite 2 minutes 20 de fanfaronnade totalement virile. Superbement accompagné par Steve Cropper à la guitare, Doc Don à la bass, Al Jackson à la batterie et Booker T. Jones au piano. Ainsi que les Memphis Horn, la voix de Redding peut se déchaîner. Ce single de 68 fait partie des enregistrements les plus dynamiques de Otis Redding, même s'il n'est arrivé qu'en 51 places dans le Billboard. De nombreux groupes ont ensuite repris depuis cette pièce, et c'est le cas du chanteur, entre autres jamaïcain Toots Hibbert, qui a donné à cette chanson des inflexions reggae. Moi, personnellement, c'est vraiment la version de Black Crowes qui m'a charmé la première écoute. Donc, dans le segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie, on s'en va écouter la pièce « Hard to Handle » de Otis Redding. Ben, profitez-en, mes amis. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your camera, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Non, mais c'est-tu assez bon, c'est génial cette pièce. J'étais tout seul dans le studio et j'avais le goût de danser. Vraiment hard to handle dans le segment des 1000 chansons à avoir entendues dans sa vie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On va improviser un petit peu, un petit quelque chose. On aime ça, nous autres, faire ça, l'improvisation. C'est pas toujours bon dans notre cas. Hein? Non, des fois, je fais des apartés qui tombent à l'eau. Ouais, ou des malaises. Oui, mais ça, c'est normal. Voici la chronique dans les coulisses. Tu vois, ton jeu fait une blague de coulisses d'huîtres et je savais que j'allais. Et voilà. Voici dans les coulisses de la huître. Aujourd'hui, dans la chronique, dans les coulisses de la lutte, on reçoit Frédéric Bernard. Bonjour. Bienvenue à toi. Ça va bien? Ben, merci. Oui, ça va très bien. Très heureux de te recevoir dans nos studios. C'est la troisième, quatrième chronique de la lutte qu'on fait. Oui, quand même. Dans ces coins-là. Je pense que c'est la quatrième, si on compte, Phil, tu sais, parce qu'il... Philippe Grenier, le président, directeur général de la lutte. Donc, Frédéric Bernard, premièrement, on veut savoir dans quelle équipe tu joues, bien sûr. Je pense que c'est la base pour commencer. Oui, ben, je suis dans la merveilleuse équipe des Bleus. Alors. La meilleure. Oui, la meilleure. Alors, la meilleure. Un match à votre actif, je pense, jusqu'à maintenant? On en a deux matchs, en fait, à notre actif, si on compte le premier match où on oui, voit okay, toutes oui, les c'est équipes. Ça, oui. Alors, ah, ben c'est ça, je voulais dire un match officiel. Je suis tout à mêlé avec le genre de showcase, si ça compte pour de vrai ou pas. On est mêlé dans pas mal de tout, fait qu'il faut s'habituer à ça. Oui. Donc, décris-nous ton équipe des Bleus cette année. Dans le fond, c'est, est-ce que tu es un nouveau joueur dans la lutte ou... Moi, oui, je suis okay. Tout nouveau cette année. Je suis arrivé. Je pensais même pas aller faire la lutte au début. Je me suis retrouvé sous les recommandations de quelqu'un à faire le camp de recrutement. Puis je me suis retrouvé dans une équipe, là, justement dans l'équipe des Bleus. Et je suis une des deux recrues là, de cette année. Ouais. Et t'es un joueur, t'es pas un capitaine. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a reçu que des capitaines, je crois, à l'émission, si je me rappelle bien. Si ma mémoire est bonne, oui. Ah, ben, j'ai l'honneur d'être le premier joueur. Premier joueur, première recrue aussi à venir... chevaucher le micro, c'est fou, c'est fouin. C'est fouin. Mais tu sais, comme n'importe quoi, ça. Ouais. Mais comme, mettons, trifluvien. Essaye pas de faire comme si ça avait du sens. Aide-moi, Mathieu. Donc, on était en train de dire... Ah, ça déraille à chaque fois ces chroniques-là. Oui. Donc, on voulait savoir, ton équipe des Bleus, qu'est-ce que t'en penses et ton rôle dans l'équipe des Bleus? Mon rôle dans l'équipe des Bleus? Les Bleus, en fait, c'est une équipe que j'adore pour le moment. Là, on a fait deux matchs ensemble. C'est une équipe où on se soutient beaucoup, les cinq ensemble. Et une équipe qui est vraiment basée... je pense qu'on est basé sur sa construction. On est très cérébral, je pense, dans notre équipe. Okay. Là. Alors, puis mon rôle à l'intérieur... moi, je me vois comme une surprise parce que moi-même, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors, quand je me retrouve sur le banc, je vois mon équipe qui ont l'air de se demander aussi qu'est-ce que je vais faire. Je vois l'autre équipe qui se demande qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je suis un peu une surprise. Là. C'est de la pression un peu quand même que les gens attendent de voir ce que tu vas faire en tant que recrue pour mais essayer. Je suis nouveau cette année. Alors, les gens, ils savent pas un peu de quoi j'ai l'air. De quoi. Moi non plus, ça a l'air. Quand je me retrouve sa patinoire, là. Et puis, excellent. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'impro? Est-ce que c'est vraiment ta première expérience en improvisation? C'est la première fois que j'en ai fait de façon sérieuse ou premier contact. Là. OK. Les deux. Premier contact, hey, ça remonte à vraiment très, très longtemps. C'était au primaire, en fait, où on nous en a parlé puis on en faisait un peu. C'était de l'impro de primaire, là. Fait on va laisser une chance. Il n'y avait même pas de vent. Ça a été vraiment le premier contact. Ensuite, au secondaire, j'ai essayé un peu de l'impro. J'ai pas vraiment accroché. Puis c'est vraiment au collégial, quand je suis arrivé au Collège La Flèche, que j'ai fait 3 ans d'impro là. J'ai été dans l'équipe qui débutait du Collège La Flèche à commencer. C'était une équipe toute neuve. Puis c'est vraiment là que j'ai fait mes premières armes et que j'ai vraiment commencé. Là. Donc, c'est pas nouveau du mois que tu fais de l'impro, mettons, quand même. Non, c'est ça, je pense. Oui, et puis, ben écoute, tu dis primaire, est-ce que tu as commencé à faire de l'impro? Est-ce que tu aurais un pire ou un meilleur moment en improvisation de toutes ces années-là confondues? Mon Dieu, je pense un des pires moments, c'est surtout quand on se confronte aux catégories un peu spéciales. Quand t'as à peu près, j'avais quoi à l'époque? C'était plus au secondaire, ça, quand j'avais essayé ça. Je pense que j'avais 14 ans, quand tu te retrouves à faire une rimée pour la première fois à 14 ans. Puis en plus, à l'époque, j'étais au maquisard. Okay. Alors, on avait... Fait qu'au maquisard, devant plein de monde qui attendent de voir la lime qui va passer après toi. Puis toi, tu t'en vas essayer de faire une rimée en avant. Ouais, il n'y a pas de stress du tout. Je pense que ça a été un vraiment de mes pires moments, là, de me retrouver en face de ça et essayer de rimer à 14 ans. Je me suis amélioré. S'il y a des joueurs de mon équipe qui m'écoutent, je me suis amélioré. Mais est-ce que ça a donné quand même quelque chose de pas trop mal ou ça a vraiment non, été... c'était vraiment mauvais. Okay, c'était vraiment mauvais. Ça a dégénéré, un peu comme mon gag de tantôt. Un peu comme l'émission en général. Quel est ton style d'impro préféré? Mettons, si tu avais à choisir ton impro de rêve, là, mettons, l'a rimé, c'est peut-être pas ce que tu voudrais refaire, mettons, si tu avais à choisir. Ah, ben, j'aime bien les rimer maintenant. Okay. Comme je dis, ça a été un peu un moment, mais ça a été très constructeur aussi. Je pense à cause de ça, finalement, que je les ai beaucoup travailler quand je me suis retrouvé à l'impro collégial. Sinon, mon impro préféré, je pense, c'est l'impro où on donne un thème sur le vif puis pas de caucus. Là. Okay. Ah, oui. Des directs de même, là, à froid. À froid, j'aime ça. Et puis, écoute, rapidement, est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi, c'est quoi l'improvisation en général, de n'importe quel point de vue? L'improvisation, pour moi, en fait, j'aime dire que c'est un sport extrême, même si je pense que c'est plus extrême que sport pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes qui bougent beaucoup, fait que eux, j'ai pas de mal à croire que c'est du sport. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le côté extrême. Je veux dire, on est lancé là sans filet, sans personne qui peut nous rattraper, ou en tout cas, faut attendre pour voir s'il y a quelqu'un qui va nous rattraper. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté extrême de la chose. Sinon, pour moi, je pense que c'est une espèce de gros rêve collectif, un gros délire là où on participe toute la gang, puis le public même participe. C'est ça. Alors qu'on sorte de là puis qu'on se dise que tout le monde, ben, on a bien rêvé. Si quelqu'un me dit un jour j'ai bien rêvé, ben je suis satisfait. Ouais. Pince-moi, puis là ça devient sexuel. Super ben oui, c'est ça. Ça dégénère. Puis oh mon Dieu. Bon, on est rendu au moment qu'on aime tous le plus dans cette chronique dans les coulisses de la Luître. C'est l'aparté. Tu connais le segment l'aparté? C'est une improvisation sur un sujet choisi par toi-même et on va donner la chance de parler donc directement au public et on doit te poser la question suivante pour commencer ton aparté. Vas-y. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Yeah, Vas-y. L'inspiration m'inspire. Alors, chercher l'inspiration. Alors, un peu à chaque jour, j'essaye de la trouver, j'essaye de la débusquer. J'ouvre mes armoires, j'ouvre mes tiroirs pour voir si l'inspiration est là. À ma tête, c'est à la télé que je l'ai trouvée. Alors, il y avait l'inspiration qui, pour moi, sauver une famille dans une maison en feu. Il y avait l'inspiration qui essayait de changer un peu le monde. L'inspiration, en ce moment, est en train de faire pas mal le tour du monde. J'aimerais ça peut-être que maintenant m'emmène avec elle. Mais l'inspiration est un peu égoïste à ce côté-là. Pour l'inspiration, c'est ça. J'essaie toujours de courir après. Des fois, je l'ai avec moi. Des fois, je l'ai pas. Alors, je pense que c'est ça qui m'inspire aujourd'hui. L'inspiration. Bravo! Oui! C'est toujours excellent. L'inspiration est ma transpiration. Et Donc voilà pour le segment aparté. On va continuer un petit peu avec le match de ce soir qui a eu lieu à 19h30 à la Chasse-Galerie. Est-ce que tu joues, toi, ce soir, Frédéric Bernard? Non, on faisait des blagues en hors-ronde, mais à soir, je monte des bandes. Oui. Toi, ton rôle dans l'équipe, c'est d'amener l'eau, le porteur d'eau, oui. C'est ça? Oui, exactement. D'amener les hot dogs. Oui. Ce soir, c'est les oranges contre les rouges. Si je me souviens bien. Okay. Oui, ça ferait du sens. Cool. Donc, c'est à 19h30 à la Chasse-Galerie, oui. À l'UQTR. Mm-hmm. C'est gratuit. Mm-hmm. Parce que ça, c'est le bon moment pour rire. T'as pas que tu? La pub, hein? Oui! Qu'est-ce qui serait un mauvais moment pour rire, mettons qu'on avait à en inventer d'autres? Ben, mettons, un mauvais moment pour rire? Mauvais moment pour rire. Tu viens... Ben là, il y a quelques mauvais moments, là. Mais mettons, un pilote qui se fait dire « Ouais, ben écoute, on a plus d'essence, j'ai plus... mes moteurs marchent plus. » Puis, en fait, j'ai jamais eu mes cours de pilotage. Ouais, OK. Ça, ça pourrait être un mauvais moment. Oh, moi, je rirais dans ce moment-là. Je veux dire, c'est la dernière fois que t'as la chance de rire. Fait que vas-y, go, ouais. Go for it. Moi, j'irais à la radio entre 7h30 et 9h30. Quand tu ris dans ton char et que la blague était vraiment mauvaise, genre une blague de moi, là, ça peut causer des accidents aussi. Ou ça pourrait. Faites attention, vous. C'est ça. Un coup d'en face est si vite arrivé. Oui. Quand la bague est poche. Donc, merci Frédéric Bernard. Fait plaisir. À bientôt, à la prochaine. À bon match à ce la soir. Vitre. Ouais, à ce soir, tu vas être dans la pièce au moins. Tu seras pas dans oui. la. Pas dans je le vais match. Être dans la salle. Dans la salle. Wow. Donc voilà pour ça. Pour l'instant, avant de passer à la chronique de Laurent Constantin, il s'en vient tantôt nous présenter deux chroniques, pas une, mais deux. Donc ça va être assez spécial. On se quitte avec une pièce. Ah, excuse-moi, je l'oublie à chaque fois. Une pièce que Frédéric nous a choisie pour la chronique de la huître. Est-ce que tu veux la présenter pour nous? Ben, j'ai en fait, cette pièce-là, expliquer pourquoi je l'ai pris. En fait, c'est vraiment le côté fou puis le côté absurde de la chose. J'adore vraiment l'absurde puis l'abstrait. Puis j'ai vu la vidéo. Je suis un fan de vidéo quand je regarde de musique. Puis cette musique-là, vraiment une vidéo, là... Que j'adore. Et ce qu'on s'en va entendre, c'est Damien Robitaille. Voici la pièce Omniprésent. C'est fou. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Dans les parages, j'ai toujours la tête dans les nuages. assez assidu. Il a le don d'ubiquité. À 110% dispersé. Il est ici, il est ailleurs. En long, en large et en travers. J'ai peur que ma vie dérape. Je suis trop souvent dans les vapes. Oh, dans les vapes. Je suis dans les vapes, yeah. Présentement, les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Toujours dans le dîner de cons avec moi-même, Danny Janvier, et j'ai le bonheur de recevoir des grandes personnes, des grands artistes, Mélissa Brouillette et Jean-Michel Renaud. Salut vous autres! Salut! Attends un peu, je pense que j'étais sur la guide. OK, yes. OK, here we go. Here we go. Donc, ça va vous autres? Ben oui, ça va. Yes, gros projet en ce moment pour vous. Ben oui, c'est le lancement de notre album qui s'en vient demain, mardi le 29 octobre. Donc, c'est June in the Field qui est avec nous. C'est votre duo. Parlez-moi-en un peu. On vous connaît avec East Road, Jean-Michel. On te connaît avec ta présence un peu partout. On te voit souvent. Mais qu'est-ce qui est June in the Field? Ben, June in the Field, c'est un peu le retour à la base des chansons. C'est une guitare, deux voix qui s'harmonisent. C'est un peu l'essentiel, un peu... ce qui pose bien le silence, la musique tranquille et les... Ça doit être un peu comme ça, tu composes à la base, même les tunes, toutes tes tunes. Ouais, ouais, ouais. Ça doit te ressembler le plus à ta base, là. Ouais, c'est comme j'écris une tune, puis chez nous, puis là, je l'enregistre, puis je l'envoie à Mel, puis... puis c'est parti, on a une nouvelle tune. Excellent. Et puis, comment c'est arrivé ce projet, justement, de mettre un peu East Road, pas de côté, mais en ce moment, il est en pause un peu pour ça. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire cet album-là? Ben en fait, qu'est-ce qui est cool, c'est que on essaie tout le temps, vu que j'ai eu comme beaucoup de projets, j'essaie tout le temps de... Ça prend quand même un minimum de planification. Fait que là, pendant qu'on lance l'album de June in the Fields, puis qu'on se concentre là-dessus, puis là, on va être plus dans la période studio pour le prochain album d'East Road. Fait que ça marche tout le temps. J'essaie tout le temps de balancer... balancer tout ça, ce qui n'est pas une tâche super facile. C'est pas nécessairement que justement East Road est en pause, c'est qu'il est dans une autre phase de création. Puis en même temps, comme on aime bien le dire souvent, tu sais, chacun de nos projets nourrissent celui-ci, tu sais, et vice-versa. Fait que tu sais, c'est fun d'être dans plein d'affaires en même temps pour justement se servir un peu de chacun pour s'inspirer. Ouais, c'est clair que ça s'annule pas, là. Vous continuez d'être vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis moi, c'est parce que j'avais un peu le début. Vous avez eu une... premièrement, à la base, June in the Field, on comprend le titre, c'est une phrase un petit peu, c'est une petite expression, mais pourquoi ce nom? On tapait l'album à Montréal, puis on n'avait pas encore le nom de projet. Okay. On avait juste comme les tunes, puis des tunes enregistrées, puis c'était le mois de juin, puis il faisait beau, puis moi, j'habite proche des champs, puis je fais tout le temps des grandes marches, puis June in the Fields, on s'est dit, ça fitait bien. Avec la musique. On a comme chacun une mission, tu sais, on avait comme notre cahier pour marquer des noms, puis on s'en parle demain, là, ou on s'en parle lundi, puis il y avait June dans pas mal tous les noms, puis en tout cas, on a fait la paix avec ça, là. Puis comment vous avez commencé à travailler ensemble, vous deux? Comment qu'on a commencé? Mon Dieu, ça a commencé dans un bar. OK. Il y a bien des choses qui commencent dans des bars. Bien des choses qui finissent non, en fait, ça a commencé. Il y a des familles qui ont commencé là. Hein? Ouais, ouais. Ça a commencé que Jean-Michel il était en show. Puis moi, je travaillais au Zénob à ce moment-là. Puis je suis tombée sous le charme de sa musique. Moi, j'avais jamais entendu parler de Jean-Michel. Puis tout le monde autour de moi semblait dire, ben là, voyons. Tu connais pas Jean-Michel, Jeannot? Oh, fait que là, tu sais, je suis tombée sous le charme. Puis ben, le lendemain, on a décidé de se rencontrer pour faire de la musique, essayer quelque chose. Moi, je suis amoureuse des harmonies vocales. Jean-Michel, il voulait chanter avec une fille. Ça faisait un bout qu'il y pensait. Puis... ben c'est ça, on a essayé ça, puis ben on peut dire que ça a bien marché. On a décidé de continuer. Excellent. Puis dans East Road aussi, tu fais des collaborations, des chœurs, des affaires de même aussi, OK. Ouais. Et puis, justement, l'enregistrement à Montréal, parce que vous avez eu quand même une chance d'enregistrer dans de bonnes conditions. Oui, effectivement. Ben, tu peux nous en parler un petit peu? Ben oui, je peux vous en parler certain. On a fait ça au studio Planète à Montréal. Dans un super bon studio avec des conditions incroyables, tout enregistré justement analogue sur des vieilles machines Ampex, des bonnes bobines, des bons micros Newman, puis mais il y avait de la chaleur, il y avait de l'émotion dans ce recording là parce que c'était vraiment comme une petite bouteille de vin rouge, 2-3 jours bien libre, carte blanche, faites ce que vous voulez, tapez ce que vous voulez, on fait juste ça pour s'amuser. Après comme une après-midi, on avait tapé à cette toune, tu sais. Il restait 2-3 jours de studio. OK. Fait que ça a donné un gros 8 heures de musique en tout et partout. Ça, il fallait réécouter ça puis choisir les meilleurs bouts, tu sais. OK. Ça, c'est tough. Surtout quand, tu sais, il n'y a pas bien d'autres monde qui nous aident, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tout à fait. En tout cas, c'est nous autres qui avons choisi les tunes. Mais je pense que ça a bien été. Hein? Est-ce que tu as gardé ce que vous avez tout fait? Ouais. Parce que ça peut être de quoi de le fun, là. Ah ouais, il y a des tunes que je me rappelle même plus qui existaient. Ils sont là-dessus, tu sais. Ça va bien. Fait que si t'es en panne d'inspiration, il y a du stock en masse encore. Ouais, je suis dans cette brocédé-là ces semaines ici. C'est de réécouter pas mal toutes les tunes que j'ai faites dans les 2-3 dernières années. Puis je me dis, wow, faudrait que j'arrête d'en composer. mais je peux pas, ça me nourrit, j'arrêterai pas. Non, mais des fois, ça fait pas du bien, mais oui, parce que ça peut te laisser sur pause, puis tu arrives ailleurs, là. Ouais, savoir que t'en as en banque, là. Puis que tu peux t'en aller faire du techno à Berlin, là. N'importe quoi, je veux dire, les possibilités, t'es backé un peu, là. Ouais, exact. Parlant de Berlin, justement, tu te promènes pas mal. Toi? Ouais, je me promène pas mal. Là, c'est où les dernières fois t'es allé, puis c'est où les prochaines places tu t'en vas? C'est Berlin. Réponse aux deux questions. En vrai, c'est quoi, t'as vraiment aimé ça? Ben, j'ai mon fils qui habite là-bas. OK. Ah, fait que j'en profite, là. Mais là, on va se booker une petite tournée, tournée européenne en Europe au mois de mars avec Mel. OK. Puis sinon, je m'en vais à Berlin. Avez-vous du monde pour vous aider dans la tournée pour booker ça? On va s'aider. Ouais, on a, mais... on connaît des gens là-bas, puis on va essayer de créer des alliances puis de s'aider mutuellement. De l'autre côté de l'océan. Ouais. OK. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui, exactement. C'est ça, il y a une affaire, puis on a bien beau dire que dans la business qu'on fait, on a bien beau dire que ça prend une bonne équipe, ça prend le bon monde avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est toi qui va faire la différence. Tout à fait. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut pousser ton projet plus que toi. C'est clair. Puis ça, c'est valeur en même temps, faut que tu te donnes un coup dans le cul. C'est toi, il faut qu'il te pousse. Je parlais avec Marc Bourbé justement, puis on a parlé longtemps de ça, puis c'était vraiment. C'est toi qui pousse ton projet. Charles, tu vas parler de ça avec Marc Dupré, par exemple. Non. Lui, il aurait dit. Hein? Lui, il y a d'autres qui le poussent. Ouais, c'est clair. Le beau-père. Ouais, on l'a vu à la disque hier, il était déçu. Il était déçu? Il n'a pas gagné, lui. Hein? Ben oui, il a gagné genre Vox du public. J'ai juste vu la première partie. Il était déçu la première partie. Mais il s'est rattrapé. Il a gagné. C'est la soirée d'Ougean Cormier hier, quand même. Ouais. Ah, en tout cas. On va passer. En tout cas, nous autres, il n'y a pas de Kegorian. Hey, ça fait chier. Je veux dire, c'est quoi, là? Le Québec, là, c'est francophone, là, mais le Québec, c'est anglophone aussi. Oh, il y en a. Okay. Non, c'est clair. Je veux dire, c'est quoi, là? La disque, il n'y a pas de catégorie de musique anglophone? Il y en a à l'autre gala. Il y en a à l'autre gala. Patrick Watson a gagné. L'artiste s'étant illustré le mieux. À l'étranger, c'est ça. C'est la seule catégorie qu'il y a pour les anglophones. Non, il y avait album anglophone aussi, me semble. Je pense que oui, dans l'autre gala, il y en a. OK, c'est qu'ils montrent juste ça dans les galas que le monde ne voit pas. Exact. Okay, c'est ça. Il le voit, mais à Musimax. Oui, c'est ça. Mais Guerre, moi, c'est pas nécessairement mon band qui me fait triper. Les Arcade Fire ne sont pas là. Puis pourtant, c'est un des groupes qui rayonne le plus sur la planète. C'est ça. T'sais, ils font des buzz partout à Saturday Night Live, mais ici. sont pas assez bien. Un petit peu. Sinon, si on parle de votre lancement de June in the Field, ça a lieu demain. Oui. Donc, mardi, peux-tu nous en parler? Pouvez-vous nous en parler, Mélissa? Ben écoute, ça a lieu à l'église Saint-James sur des Ursulines. Ouais, on avait envie de faire ça dans un endroit qui sonne bien, mm-hmm. puis qui va rendre justice un peu à ce qu'on a fait sur l'album. Mm. Puis en fait, on fait deux représentations, une à 19h, une à 20h30. Étant donné la petite capacité de la salle, on s'est dit, on va faire deux petits shows avec deux publics différents pour permettre au plus grand nombre d'être là. Puis ça va être parfait dans cette petite église-là. Non, ben, alors, il y a même un piano à queue, je pense. Ouais, c'est tout nouveau. Tu vas-tu jouer? Ben, c'est quoi? Sûrement, j'ai pas joué. Ça serait le fun. J'ai pensé faire de la musique d'ambiance entre mes prestations. C'était ça mon but du matin, là. T'as même, tu te casses pas le cul avec les. À parler, c'est ça. Puis là, demain, je me disais, bon, OK. C'est ça, moi, tout seul. Exact. C'est ça. Demain, je me disais, il va y avoir lui, elle, puis elle. Ah, j'ai pas trop le goût de parler. Ah, piano, c'est tout le temps bon. Parfait, ça. Ouais, en tout cas, Jean-Mi, le piano man. Ouais. Ça va être fun, c'est une belle place. Excellent. Vraiment. Et puis là, l'album est disponible un peu partout en ce moment ou quoi que ce soit? Mais je vous conseille de nous l'acheter à nos shows parce qu'il est ben trop cher chez Archambault. Mm-hmm. Ça, c'est pas nous autres qui a décidé le prix. Il faut remédier à la situation. Je sais que je devrais sûrement pas dire ça en nom, mais c'est pas grave. Mais je vous conseille de l'acheter dans les prestations et sur iTunes, des affaires de même. Ouais. Moi aussi, je vous conseille ça. Ouais. C'est toujours le fun d'acheter l'album à l'artiste direct. Ouais. C'est du direct, j'aime ça. Ben, c'est pas vraiment nous autres. C'est comme la compagnie qui a décidé les prix des magasins. Je l'achèterai jamais à ce prix-là, moi. C'est ça. Je tiens à le dire. Vous avez fait un beau vinyle aussi, je pense. Okay. Oh yeah! Yes, c'est bien net. T'es chanceux, toi, d'avoir un beau vinyle de même. Ça va être disponible aussi en spectacle, genre? Ouais, partout, ça aussi, puis en spectacle, ouais. Excellent. Tu nous offres-tu une petite prestation? Ouais, on va faire une chanson qui est sur l'album qui s'appelle Don't Look Too Far Away. Donc, ben, on s'en va là. Ben oui, c'est d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on a mis ça, cette vidéo-là, sur le June in the Fields Facebook. Fait que si jamais vous écoutez la radio, vous avez le goût de voir des faces sur la toune, le nouveau vidéo est disponible aujourd'hui. Je vais le mettre aussi sur la page Facebook du Dîner de cons avec plaisir. Yeah, OK, merci. Ben, on va faire une petite... Donc, je vous laisse aller. Days will go, this I know. Days will go so fast, 'cause nothing lasts. Nothing lasts forever. Not even the storms in our hearts. I don't have much. Don't have much to give you. Love is my only fortune. So if I can answer your questions, sorry if I don't have the right solutions, but don't look too far away, 'cause love is with us today. You don't wanna be hanging in the air anymore. I understand, but the wind is my best friend. You don't wanna be hanging in the air anymore. I understand, but the wind is my best friend. Weeks will go, this I know. Weeks will go so fast. I'm doing my best to satisfy your needs, but sometimes you're just so hard to please. So don't look too far. Cause love, oh love is with us today. No, don't look too far away. understand, but the wind is my best friend. You don't wanna be hanging in the air anymore. I understand, but the wind is my best friend. You don't wanna be hanging in the air anymore. I understand, but the wind is my best friend. Months will go, this I know. Months will go so fast, and all these moments with you by my side, they'll soon become the past. Hey, merci. Wow. Wow, OK. Excellent. On répète le titre de cette pièce? Don't Look Too Far Away. Merci beaucoup. Donc, on écoute Julian DeField qui seront en spectacle de lancement demain, mardi, à l'église Saint-James à Trois-Rivières à 6h. 19h okay. Et 20h30. Moi, je me rappelais de 20h30, mais je me rappelais pas de 19h. Dans le fond, les 2h à arriver sont 7h moins quart et 8h et quart. OK. Voilà. Oui, hein, parce qu'on veut commencer à l'heure précise, pas mal. Oui. Oui, ben, c'est parce que là, on avait quand même... C'est pas mal plein. Ouais. Les réservations sont pleines pour les deux représentations. Il y a surtout qu'il y a quand même des trous. Il y a tout le temps des trous. Fait que, amenez vos trous. On va être là avec nos trous. On va être là avec nos trous. Tout le monde va être là avec ses trous. Fait que, on va triper. Ça va bien finir tout ça. Excellent. Ça va être, oui, ça va être chaud. Ouais, ouais, exactement. Sinon, tantôt, vous parliez d'une vidéo. Moi, j'ai pas eu la chance encore d'aller le voir. On va le mettre, mais pouvez-vous nous en parler? Comment ça s'est produit? Qu'est-ce que c'est? Etc. Ben, certains. Puis ça, c'est cool. Ça va justement. Toutes les sessions du studio ont été filmées. OK. Fait que c'est les sessions Louis Lafontaine. Oui. Louis Lafontaine, un super bon Jack, vraiment trippant, qui est venu filmer les sessions du studio. Fait qu'on a fait, on a 4-5 bonnes vidéos de sessions du studio. Bien intéressant avec le son et les petites faces drôles à Jean-Mi. OK. Donc, il va y avoir plus qu'une sortie de vidéo, là, tranquillement. Vous allez en sortir un de temps en temps. On a déjà sorti 3 vidéos, en fait, okay. De cette session studio-là. Dont un, que c'est comme une petite entrevue, on parle du projet, on explique un peu qu'est-ce que c'est, June the Field. Oui, c'est ça. En fait, c'était le concept du lancement. Là, comme un mois avant le lancement, on voulait sortir une vidéo par semaine. OK. Pour faire un petit buzz. Ça, un petit buzz, là. Excellent. Fait que c'est un papier buzz, là. Ça buzz bien. Il buzz bien, ces vidéos-là. Donc, pour voir June the Field demain à l'église Saint-James, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben merci, Danny. Ben oui, ça me fait plaisir. C'est cool de te voir. Yes, on va être là demain. Venez vos trous. Moi, c'est sûr, je vais être là avec mon trou. Et puis, quelle pièce qu'on écoute pour se quitter de cet album on de Julian DeField? On va écouter la première, la chanson okay. Andamansi. Parfait. Une chanson avec Sébastien Salicetti à la contrebasse. Oh, quand même. Qui sera là demain, d'ailleurs, au lancement. Okay. Puis, une chanson composée sur les îles Andaman, entre la Thaïlande, la Malaisie, puis l'Inde, dans le golfe du Bengale. Et ça parle de quoi? Ça parle. ça parle en fait du bon temps qu'on peut se permettre quand on est sur les plages et les cocos et les palmiers et les ananas et les bons talis. Et, comme tu disais, là-bas, tu as un visa de 45 jours seulement. Ouais. Tu étais obligé de t'en aller après 45 jours. Puis, ça parle de ça. Il paraît que c'est bien difficile de s'en aller. C'est ça, ça parle de. T'as pas le goût de t'en aller après 45 jours. Moi, j'ai failli me faire teindre en noir, comme Michael Jackson, mais l'inverse, là, pour pouvoir rester là-bas, avoir la couleur du monde. Mais ça n'a pas marché. Next time, maybe. Donc, on s'en va écouter ça tout de suite. Handaman C de la formation June in the Field. Merci encore de votre présence. Merci à toi. On the Andaman Sea, behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a lot of time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved.

pour écœurer le monde, moi je connais. Bonjour Maxime Tanguay. Bonjour Danny Janvier. Est-ce que tu connais une chanson pour écœurer le monde? Ben j'espère que ça ne l'écœurerait pas, mais j'en connais des chansons qui écœurent le monde des fois. Là. Non, mais moi c'est plus pour dire écœurer le monde, parce que toi tu la connais, puis les autres la connaissent pas. Oui, c'est ça. Donc salut Max, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ton iPod? Écoute, de la bonne musique. Sûrement. C'est un groupe que j'ai découvert. Écoute, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'ai découvert ça dans un magasin. J'ai vu la pochette d'un nouveau disque qui a paru vers la fin de l'hiver, qui est The Invisible Way, le nom du disque. Le groupe, c'est Low. C'est un peu une drôle d'introduction. Là. Ah oui, en passant, c'est Low. Low comme bas, là, L-O-W. Ouais. Et c'est un groupe qui existe depuis 1993, qui est quand même dans le décor depuis un méchant bout. Et je ne les connaissais pas. Et j'ai vu la pochette, j'ai fait « Ah, oh, c'est bien beau ». J'ai aimé la pochette. J'ai trouvé ça le fun. Belle œuvre d'art. Oui, quand même. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas donner une écoute pour le fun? Tu sais, donc, dans une boutique X où j'ai travaillé durant un an, j'ai donné une écoute. J'ai écouté la première pièce. J'ai écouté 30 secondes. Je fais, c'est beau, je l'achète. J'aime ça. Bang. Et j'ai adoré l'album. Et c'est donc Low, duo, trio, quatuor, trio, duo, quatuor, trio. Okay. Ça varie dans le temps. Mais c'est surtout, principalement, en fait, Alan Sparhawk et Mimi Parker, dont je vous ai parlé légèrement la semaine dernière. Oui, des noms qui m'ont... avec Trenty Mauler, dans le fond, qui chantent dans la première chanson de l'album de Trenty Mauler que je vous ai présenté la semaine dernière. Mais ça, c'est leur groupe, donc Low. Je me suis dit, tiens, je vais me faire une passe à moi-même pour la semaine prochaine. Et c'est un couple, dans le fond, de Duluth, qui est non pas le vieux Duluth, là, le restaurant, mais bel et bien... On peut apporter son vin, en tout cas. Oui. D'ailleurs, ils amènent fréquemment du vin sur scène. Et qui viennent du Minnesota, en fait, du nord des États-Unis. Et c'est un groupe qu'on qualifie de... Ben, eux préfèrent la terminaison indie rock. OK. Mais il y a beaucoup de gens dans les médias, parce que les médias aiment beaucoup catégoriser, parce que sinon ils se sentent mal, puis ils tournent en rond, puis ils font panique. Ils font des crises de panique assez intenses. Fait que les médias leur ont donné le tag slowcore. OK. Donc, eux aiment pas ça. Ils aiment vraiment pas ce terme-là. En tout cas, d'abord, au Québec, tout est rock. On a vu ça hier à la disque. Tout est rock. Oui, c'est fou, hein? Louis-Jean Cormier, pour qui j'ai un amour infini, c'est pas du rock, là. Désolé. Là. C'est vraiment pas du rock. Puis c'est qui aussi qui avait dans cette catégorie-là? Daniel Bélanger, son album Country. C'est rock, ça. C'est rock, ben oui. Ah, le Québec. Et un autre coup des médias, donc Slowcore, qui est un peu... comment on pourrait décrire ce groupe-là? C'est que c'est très, très, très lent. Okay. C'est très léger. C'est extrêmement épuré. À la limite, moi, je serais plus porté sur le minimaliste plutôt que sur le slowcore. C'est guitare, Mimi Parker qui est à la batterie, mais c'est une batterie, là, c'est un snare. De temps en temps. Puis c'est avec des baguettes. Des balais. C'est avec des balais généralement. Donc c'est vraiment très, très épuré comme style. Et ce qui est principalement intéressant de Low, c'est l'harmonie vocale des deux ensemble, de lui, de Alan et de Mimi. Donc ça va fitter après June in the Field. Ben vraiment, tantôt, en fait, quand je les ai croisés tantôt, je me suis dit, Colin, les gens sont prêts à avoir de quoi d'un peu plus... Vraiment? De peu plus relax. Donc, c'est vraiment, et même c'est très distinctif. Low sont principalement reconnus à cause de leur harmonie de voix, là, justement. Puis, est-ce que tu les as connus avec cet album-là? Avec The Invisible, oui. OK, parce que moi, je connais le nom aussi. J'ai déjà entendu, mais j'ai jamais écouté. Là. Mais j'avais jamais entendu le nom, même. OK. Et quand des collègues à moi, quand ils ont vu ça, ils ont fait, hein, Low a sorti un nouvel album. Je suis comme, oh, c'est quelqu'un qui a quelque chose. C'est quoi? C'est leur deux, troisième. Et non, ça, The Invisible, oui, c'est leur dixième album. Ah, juste ça. Fait que, t'sais, l'expression « il était temps », je pense que ça s'applique dans ce cas-là. Ouais. Et donc voilà, j'ai apporté The Invisible Way, qui est donc l'album qui a été lancé cette année, au mois de... C'est cet hiver, parce que je me souviens de ma première écoute, dont je vais me souvenir longtemps, c'est au mois de mars. Donc le 19 mars 2013 que l'album a été lancé. Et la première écoute que j'ai faite, ce disque-là, je m'en allais à la Lime. C'est pas pour plugger à la ligue, là, c'est juste pour mettre le contexte. En fait, je m'en allais à mon souper d'équipe avant la Lime qui était au centre-ville. Et j'ai pris une marche donc de chez moi qui est aux bordures du centre-ville pour me rendre jusqu'au Vieux-Port, parce qu'on est allé au fast-food près du Vieux-Port. Et c'est une journée où il y avait une pas pire tempête de neige. Okay. Et j'écoutais Low dans mes écouteurs en marchant sous la neige avec un petit froid et c'était un des sentiments les plus incroyables que j'ai vécu de ma vie. Ça fitait, c'était la soundtrack. C'est carrément la trame sonore de ce qui se passait présentement dans ma vie. Donc c'est puis c'est très très localement parlant. Oh, là, je oui. J'ai pris une marche, il neigeait. C'est la soundtrack de ça. Donc vraiment, j'ai capoté, j'ai adoré l'écoute. C'est un groupe qui me fait planer carrément. Donc j'ai apporté. Je pense qu'on va commencer. Tu t'engances avec. Mais c'est deux albums de l'eau, hein? C'est deux albums okay, de l'eau. Parfait. Oui, oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est oui, ça, parce que là, je voulais pas me mêler. Là. Non, c'est ça, parce que oui, ben, je viens de comprendre ton regard étrange. C'est parce que tantôt, j'ai reçu. J'ai très récemment reçu Drums and Guns, qui est leur avant-dernier album. Okay, OK. Qui a sorti, dans le fond, deux albums avant The Invisible Way, mais je l'ai reçu. C'est comme il y a à peu près 2-3 jours. Donc, okay. J'ai pas eu le temps de l'écouter encore. Et quand je l'ai dit à Danny, il m'a regardé d'une drôle de façon. Donc, j'imagine que tu pensais que c'était un band ben que oui, je présentais. C'est ça, sans... exact. Non, non, non, c'est deux fois le même groupe. Et dans le fond, ce qu'on va aller entendre, je pense qu'on peut y aller avec Drums and Guns, commencer avec la chanson Breaker, qui est la troisième du disque. Ça va vous donner une petite idée. C'est donc le groupe Low de leur album Drums and Guns, paru il y a de cela 3 ans. Donc, on y va avec ça. Oh, 6 ans, 2007. Okay. On écoute ça. Donc, Breaker, l'album Drums and Guns, qui est l'album où il incorpore quand même quelques petits éléments électro. On a un petit drum. Ouais, c'est ça. Je m'attendais à être quoi encore plus épuré. Là. Mais c'est ça. Ça, c'est un peu l'album qui a cassé un peu une ligne. Okay. Drums and Guns, mais quand même qui est. Mais original, j'aimais ça, justement. C'était comme un entre-deux. Oui. Parce oui. que de l'épuré, il y en a de plus en plus, je trouve. Effectivement. Et ça, j'aimais ça, le petit côté, un petit loop dedans, un petit loop de beat, break beat un peu. Oui, exact. Effectivement. Non, mais c'est vraiment un très, très bon album. Et la pochette me fait rire beaucoup parce que c'est. Carrément, ils sont pas au pied de la lettre. Là. C'est tout le temps juste une photo d'un côté d'une batterie et de l'autre côté d'un gun. Drum and Gun. C'est Drum and Gun, donc c'est très original. Bref, album que, comme je l'avoue, j'ai toujours pas eu le temps de l'écouter attentivement. Attentivement, étant donné que je l'ai reçu il y a à peu près deux jours. Mais quand même, très très bon album. Et là, on va y aller avec celui que je connais un peu plus, d'Invisible Way. Fait aussi, la chose qui m'a attiré beaucoup de cet album-là, c'est une fois j'ai écouté la chanson, je fais Kim, c'est bon, j'aime ça. Et là, on m'a annoncé que c'est Jeff Tweedy qui a produit l'album, qui est le chanteur de Wilco. Ah, OK. Qui est le frontman, dans le fond, du groupe Wilco, que j'aime énormément. Et effectivement, on reconnaît un peu sa signature de production. D'arrangement. D'arrangement au sein de l'album, mais sans jamais effacer le groupe. C'est ce qui était intéressant. Ça vraiment juste comme combler ou rajouter un élément nouveau du groupe. Et la chanson que j'aimerais qu'on entende, c'est la deuxième pièce, c'est Améthyste, qui est une chanson un peu plus longue. Et là, on va voir vraiment le côté plus tranquille, minimaliste de l'eau. Et si vous aimez la chanson, je vous dirais, vous allez adorer l'album, parce que c'est quand même très, très représentatif. Est-ce que c'est la pièce qui était ta soundtrack? Non, c'était pas elle, par contre. Moi, c'était Holy Ghost, mais Améthyste représente un peu mieux l'ensemble, l'essence du groupe. On va écouter ça tout de suite. Thank you. Alors, c'était un bon exemple de Low, donc oui. Amethyst, pièce de l'album Invisible, The Invisible Way, produit donc par Jeff Tweedy. Donc, je pense que vous avez vu l'ambiance principale du groupe, c'est-à-dire très, très tranquille, très minimaliste dans le style, juste un petit piano, guitare, la batterie très simple et l'harmonie de voix de Mimi Parker et de Alan Sparhawk. Et c'est pas mal ça. Dans l'album en tant que tel est comme ça. Le groupe en tant que tel est quand même pas mal comme ça aussi. Donc c'est vraiment à découvrir. Moi, c'est un amour. Puis là, l'hiver s'en vient, fait que je vais en écouter beaucoup, beaucoup. Ouais. Je trouvais bien celle-là. On regarde la pochette de Drums and Gun de Low. Et puis, comme Maxime le disait tantôt, il y a tout le temps une photo, c'est un drum, puis l'autre fois, c'est un gun. Et bien, c'est un beau drum machine à l'ISIS. Oui. C'est bien drôle aussi, avec un 12 pompes coupé à côté. Coupé. Ah oui, oui. C'est vraiment... c'est ils ont une belle vision. Je sais qu'ils ont fait un spectacle il n'y a pas longtemps. Je me souviens pas où, mais c'est un festival de musique aux États-Unis, sur la côte ouest américaine. Et ils ont fait une chanson dans leur set. Une longue. Une chanson qui, de base, je crois, est autour de 16 minutes. OK. Ils l'ont tiré une demi-heure de temps. Oh! Avec, ouais, pourquoi pas? Semble-t-il que les gens ont fait « Wow, c'est une belle prestation, c'est incroyable », mais ils ont joué une chanson. Donc, c'est très beau groupe, vraiment très cool, qui est dans le giron depuis un bout. Donc, moi-même, je vais avoir beaucoup de travail à essayer de découvrir tout ce qu'ils ont lancé dans leur discographie. Mais l'album, semble-t-il, qui est à écouter, qui est quand même très important et qui a été acclamé par les critiques, c'est « The Curtain Hits the Cast », qui est sorti en 96, qui contient la chanson qu'ils ont jouée, qui dure 14 minutes 37, qu'ils ont tiré pendant une demi-heure, c'est « Do You Know How to Waltz ». C'était leur masterpiece. Ça serait leur masterpiece, effectivement. Donc, excellent groupe. Low, je vous conseille ça. Vraiment, en plus, ils prônent le mariage et l'union parfaite. Ils prônent l'amour. Ils prônent l'amour. Ils ont des belles valeurs. Ils ont des belles valeurs. C'est ce qu'on parlait tantôt. Hein? Oui. Merci beaucoup, Maxime. Hey, merci à toi, Danny. C'est tout? Ben écoute... Je te le demande, c'est bon. Tout à fait. Oui, oui. Hey, sinon, moi, je rappelle d'écouter Maxime le lundi matin aussi dans Assemblage requis. Oui. Moi, j'ai écouté votre bon beat à matin. Oui, hein? Ouais, vraiment. Ouais, oui, chic. Mais j'avais présenté Jaguarma la semaine dernière, qui est un peu dans le même giron, là. Puis je me suis. Ta chronique la semaine dernière, ma chronique ici m'a inspiré mes deux chroniques d'aujourd'hui. Donc, Excellent. Merci beaucoup, Maxime Tanguay. On se revoit lundi. Oh, que oui, monsieur. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. À 2 mètres de l'extérieur, parce qu'on est dehors et de chaque côté, t'as vu? Mais pas loin d'un grand mètre de l'extérieur. Oh! Oh! Oh! Oh! C'est de la qualité ce matin. Wow! Voici la chronique de Charles-Antoine Rioux. C'est beau. J'étais plus ému. Push-toi un petit peu. Là. Oui. Descends la pente, ça va te remettre dedans. Je suis pas chèque du nez, les gars. T'as plus un Kleenex. Ah! Oh, merci. Ah, oh, une mode de Kleenex avec quoi dedans? Du chemin. Du chemin. Donc, c'est la chronique trucs et astuces du club de Pénard Ucuter. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Chuck Tony, oui. Chuck Tony. Oui, ça faisait longtemps. Ouais, quelques mois quand même. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? Ce matin, on va se mettre un peu à la saveur de la température. Pour ceux qui ont bravé leur porte d'entrée ce matin et qui sont dans leur voiture en train de nous écouter ou à l'université, ils vont savoir qu'il fait un petit peu froid ce matin. Frisquet. Frisquet. Oui. Frisquet, c'est le bon terme. Il y a une fraîche. Méchante fraîche. Oui. Donc, ce matin, on va être un peu en lien avec ça. On va apprendre c'est quoi... Avec comment magasiner une botte d'hiver. Okay. OK. Parce que tout le monde a eu dans sa vie... L'espèce de constatation un matin comme ceci en se disant non, j'ai juste des running shoes. Et souvent, on va attendre plusieurs mois avant de se procurer des bottes. Et finalement, moi, ce que je fais, c'est que j'en achète juste pas. Puis je finis par juste avoir mes souliers. Avoir des bons bas de laine, des souliers. Mais des fois, surtout si on va faire, disons qu'on veut se pousser un peu au plein air, mais c'est quelque chose qui est assez important. L'affaire, c'est que la botte d'hiver, c'est une business en soi. Puis il y a des magasins qui sont spécialisés dans le fait d'essayer de vous fourvoyer une botte d'hiver. Donc, je pense qu'il y a quelques critères qui sont vraiment importants à savoir et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on la magasine. D'abord, le prix qu'on est prêt à mettre. Ouais. C'est sûr que

présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Raté dans mes écouteurs, puis je pensais que c'était tout le système. Oui, c'était la caravane de Bradycardie, et on a la chance d'avoir Martine avec nous. Salut Martine, re-salut. Re-salut. Oui, cet album-là, il est sorti là, 2-3 semaines? Oui, le 19 septembre, si je me souviens bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Bradycardie, premièrement, avant même de parler de la musique, c'est qui Bradycardie, c'est quoi, puis pourquoi le nom? Moi, je sais ce que ça veut dire, là, mais explique ça. Alors, Bradycardie, c'est 6 amis. Avant, on était 5, maintenant, on est rendu 6. Oui, j'ai vu ça. Ouais, on a un nouveau membre, Jumbo Brunel, qui est au clavier et accordéon, qui apporte vraiment une profondeur et une touche. Mm-hmm. Encore plus musique du monde. Puis, mais ça prend des claviers. Oui, hein. Ça, pour vrai. Ben là, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que quand il est pas là parce qu'on pratique, puis mettons, il peut pas venir, il manque de quoi là, vraiment. Mm-hmm, on est rendu. Voilà, 6 amis à la base, bradycardie composé également de 2 couples. Oh. Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie beaucoup de la dynamique. De créativité. Es-tu dans un des couples? Oui, dans un des 2 couples avec Jean-François le drummer. Puis on a Sarah Deschaines et Joan Perron. Sarah qui a animé longtemps, c'est fou oui, ici. Oui, oui, qui est à l'université ici, qui faisait les Tam Tam Jam. Ouais. Donc on a tous un beau parcours musical. Puis on a Marc-Antoine Goulet à la guitare électrique, mandoline. Et voilà, Jumba Brunel au clavier. Fait qu'on est 6 amis de la Mauricie. Puis bradycardie parce que ça sonnait bien musicalement. Au départ, juste le nom, quand je l'ai entendu, je trouvais que ça sonnait bien. Okay. Puis sans savoir ce que ça voulait dire. Puis finalement, bradycardie, c'est le ralentissement du cœur. Donc, c'est comme un problème cardiaque, finalement. Ouais, qui fait, c'est ça. Que ton cœur bat trop lentement. Oui, le contraire de la tachycardie ouais, quand exact. Le cœur bat trop vite. Mais on ne pourrait pas dire que notre musique suppose la bradycardie vraiment parce que c'est. Non, ça dort pas. C'est plutôt une musique festive, mais une musique qui fait du bien au cœur, qui apaise. Et il y avait comme la rythmique du cœur, puis juste l'aspect cœur aussi qui nous rejoignait beaucoup parce que c'est de la musique positive. Tout à fait, c'est ce que je m'en ai dit, puis c'est drôle, ouais. Ça amène justement à ce que je voulais parler. Juste par la pochette, me semble cet album-là, comparé à l'autre, ouais. Est encore plus lumineux. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça vraiment. A vraiment été pensé et composé dans cet aspect-là. Ça marche, c'est ce que je disais à Manon. J'étais là, à Manon, c'est ma copine. Parce que je la connais. Mais c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. Les gens, eux autres, ils n'allument pas, là. Mais justement, je trouvais que c'était. Vous avez bien choisi. Qui s'est occupé du graphisme de la pochette? C'est M. Phil Caron. Son okay. nom, Philippe Caron, Filtre Caron, son nom d'artiste. Oh. C'est un de nos amis, un ami d'enfance à Jean-François puis à Marc-Antoine, deux membres du groupe, et à Grégoire Brière, qui a réalisé l'album. Okay. Donc, c'est une dynamique plein de monde, vraiment là. D'amis. Là, ouais. Puis, c'est un gars de la région, maintenant, qui habite à Montréal, mais il fait du graphisme depuis longtemps. C'est lui aussi qui a fait les pochettes pour Greg Alone. Okay. Donc, il est dans notre milieu, puis on lui a donné la commande. Il avait fait aussi la pochette du premier album. Puis là, il a tout créé de A à Z. On s'est assis avec lui. Il a dit un peu nos idées, qu'on voulait de la couleur, que ça allait s'appeler Supernova. Donc, on voyait vraiment un éclatement de couleurs. Puis, des dessins qui allaient représenter chacun des titres. OK. Des tomes. OK, oui, c'est ça. C'est pour ça la on voit caravane, la petite caravane, les papillons. Oui. Excellent. Bon, fait que lui, il a écouté chaque chanson, puis il a fait un dessin par rapport à ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Et pourquoi Supernova? Une chanson qui était à la base pas sur l'album non plus. Okay. On était vraiment très, très engagés dans notre processus. Puis Sarah a composé ça, Supernova. Puis là, on s'est mis à triper. Puis à y donner vraiment une saveur latino un peu avec le clavier, justement, le piano qui apporte ça au bout. Fait que là, on a tellement trippé. Puis on trouvait vraiment que c'était un nom d'album qui était dynamique, puis coloré. Puis c'est justement, c'est un éclatement de couleurs, une explosion de couleurs et d'émotions. Fait que ça nous rejoignait beaucoup. On trouvait ça beau, Supernova. Puis comment vous avez trouvé de faire un... Vous avez un beau clip quand même. Moi, j'ai bien aimé. J'étais allé voir ça. On puis, a travaillé c'est avec bien Sylvain Robert. Oui. On est bien contents de, ça un peu, ouais. de travailler avec des gens d'ici, je te dirais. Parce que c'est vraiment un produit 100% mauricien. Enregistré dans un sous-sol à Trois-Rivières. Êtes-vous tous du monde du coin ou non? Il y a juste Jimba qui vient de Verchères, mais okay. maintenant, il habite à Shawinigan. Il est rendu attaché au coin? Ah oui, ou il aime sa patrie. Oui, mais il est quand même très attaché à Verchères. Mais sinon, on est tous du coin. Puis c'est ça, la pochette, le clip, Sylvain Robert. Comment ça s'est passé? Le clip, justement. On a donné ça à Sylvain. On lui a dit, ça va être sur Supernova. Puis, on te donne pratiquement carte blanche. Okay. Là. On a John, le bassiste du groupe, qui est très impliqué aussi dans ce processus-là, le processus du vidéo. Fait qu'il a travaillé beaucoup avec Sylvain. Okay. Puis, Sylvain, lui, il voulait mettre en image ce qu'il entendait. Okay. Beaucoup dans le clip. Fait que ça a été divisé en 2 sections. Il a tout d'abord filmé avec les enfants. 2 ouais. très beaux enfants de la région aussi. Puis nous autres, on n'était pas là, fait qu'on les avait pas vus du tout, les okay. enfants. Puis il a vraiment fait un beau travail avec ça. C'est magnifique, les regards qu'il peut avoir. Puis ça fait partie de bradycardie aussi, la dynamique familiale, parce que il y a 4 enfants. Nous autres, on pratique le dimanche, puis les enfants jouent en haut, puis tu sais, c'est ça. Là, c'est fait, l'amour. Ouais, c'est l'amour, là, tout ça. Là. C'est le cœur. Oui. Le bradycardie. Puis là, Sylvain nous a proposé d'aller après ça. À l'Observatoire de Champlain. Bonne idée, très j'ai trouvé endroit. Ça une bonne idée. Ouais, très bel endroit, il faisait super beau, super soleil. Fait qu'on a écouté la chanson 75 fois de suite environ. chanté par-dessus au gros soleil, puis okay. À mettre de la poudre d'en face des gars. C'était drôle. Ça devait être le fun. Ah, c'était vraiment le fun. Vous avez l'air de vous faire du fun. Ouais, en tout cas, belle expérience. Et puis sinon, justement, qu'est-ce qui s'en vient? Peut-on autant show, spectacle, mais on a dit, spectacle ou, je sais pas, autre. Oui, là, il s'en vient un gros projet pour Bradycardi. Il y a l'École du showbiz à Montréal qui sont en train d'organiser une soirée avec leurs finissants. Okay. Donc, éclairagistes, gars de son, tout le kit. Et puis, ils nous ont écrit pour nous demander de participer à ce show-là. Ils choisissaient un groupe. Puis, ils voulaient un groupe francophone, un groupe vivant, puis qui était bien enraciné dans sa région. Okay. Puis, de dire, OK, on les lance à Montréal. On leur fait une rentrée montréalaise. Okay. Ils sont associés avec le réseau as-tu-vu.ca, qui ont toute une panoplie de... Ouais, eux autres, ils donnent des billets, c'est ça, genre de mailing list immense. C'est ça, puis, tu sais, ils annoncent plein de shows. C'est quoi, du réseautage, montréalais. Donc, ils nous organisent une... méga soirée le 18 décembre au Théâtre Saint-Hubert. Cool. Fait que oui, très, très cool. Alors, Bradycardi aura son lancement montréalais avec tous les médias invités, puis on amène notre caravane de la Mauricie là-bas. Notre caravane de gypsy. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va se faire un beau party là-bas. Fait que c'est un bel échange parce qu'eux, ils ont besoin d'un groupe, puis nous, ben, on a besoin d'un petit coup de main à Montréal. C'est pas évident de jouer à Montréal quand t'es pas connu. À qui le dites-vous? Tu sais, tu te ramasses devant des salles vides, mais là, il va y avoir du monde! Non, oui. Puis pas juste du monde, dans le sens, c'est, comme tu dis, c'est que des fois, tu vas faire un show à Montréal et tu t'en vas dans un bar ou une petite salle, et puis c'est le soundman de la place. Là, c'est comme du monde qui vont se donner pour vous autres. C'est pas pareil. Ils vont vraiment nous monter un show en écoutant nos chansons, puis on va s'asseoir avec eux autres, puis nous monter un éclairage, puis des projections, puis tout en pensant à votre musique. C'est ça, c'est vraiment trippant. Vous êtes chanceux. Puis après ça, après Noël, on a une couple de... On s'exporte, c'est ça. Avant, on jouait juste à Trois-Rivières et dans les environs. Mais là, on commence à se booker, on va aller à Val-David, on va aller à Sherbrooke. Là, on a le show à Montréal. On joue. Le prochain show qu'on fait, c'est dans deux semaines, c'est pour le SANA, les services d'accueil aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Moi, puis Sarah, on enseigne dans des écoles, puis il y a énormément d'élèves immigrés dans nos écoles. Donc, c'est un spectacle qui n'est pas ouvert au public. Non, c'est privé, c'est ça. C'est pour eux autres, je pense qu'ils fêtent leur, je ne sais plus combien de anniversaire d'existence. Puis c'est ça, fait qu'ils nous ont invités là, on va aller faire de la musique là-bas, fait que je pense que ça fit dans l'aspect... pour bientôt l'Europe! Ah, peut-être! Mais là, c'est clair, on est rendu continuons là. Continuons de rêver. Ben non, mais je pense pas que vous avez besoin de si rêver que ça. Il y a du monde qui ont été joués en Europe avec pas mal moins, je trouve. Écoute, on est invités, on va y aller! Ben moi, en tout cas, ouais, mais il faut pousser aussi. Oui, oui, parce qu'il faut pas ça, juste attendre, des fois... Ça, c'est vrai, si tu pour restes vrai, chez là, vous, il se passe pas grand-chose. Non, c'est un échange. Vraiment, faut que tu donnes, puis là, puis t'arrives de quoi. C'est excellent, j'aime ça. Est-ce qu'on s'en va se taper une petite pièce autre, ou est-ce que tu as quelque chose à dire à la population de la Mauricie? On a un nouveau site internet, bradycardi.com. On est maintenant enregistré officiellement. Fait que c'est toutes des belles choses qui se passent pour nous. Là, on a un Bandcamp aussi avec tout l'album est en écoute gratuite, puis on peut l'acheter sur ça. On a un Facebook bien actif aussi. Fait qu'on est présent sur le net. Et venez nous voir en show. C'est ça qui est le. Donc là, le premier plus, prochain show ouvert au public, c'est quand? Le 18 décembre. OK, à Montréal. À Montréal. Et le 9 novembre, j'ajoute également qu'il s'est parti une belle, une genre de coop qui ressemble un peu à la coop émergence ici. À Montréal, ça s'appelle les Studios Cœur. Et ils font un marathon en 20 jours. Ils enregistrent, je crois, 20 chansons de 20 groupes différents. Puis ils nous ont demandé. Vous êtes là-dedans en plus. Fait qu'on est là-dedans. Fait que là, le 9 novembre, on s'en va toute la gang à Montréal en une journée enregistrer une toune. Puis on va être sur la compile du Studio Cœur. Excellent. C'est le fun, hein? C'était plein de belles nouvelles. Bravo. Ça valait la peine que je vienne. Ben pour vrai, ça valait la peine. Je vous courais après pour vous faire venir, puis j'avais pas de réponse. Hey, yeah. Donc, on peut juste vous dire de continuer comme ça. Puis ça a l'air d'être bien parti, en tout cas. Puis on va essayer de pousser de notre borne aussi. Quelle pièce qu'on s'en va écouter tout de suite? On va mettre le bon fil, tiens, parce que ça parle vraiment de... Quand la vie est facile, la route est facile, c'est parce qu'on marche sur le bon fil. Ah, c'est parce que t'es à la bonne place au bon moment. C'est ça. Fait que Brady, on se sent comme ça. Excellent. Vous avez l'air comme ça. Puis, gâteau de vous arrive. Là. Je pense que c'était le temps. Voilà. Merci, Danny. Bonne merci, chance. Michel. Merci, Martine. Bye, merci. On s'en va tout de suite écouter ça. temps en temps, on parle fil. De train en train, on parle ville. Mais tu sais, moi, j'y suis pour rien. Tout ce que je cherche, c'est mon chemin. Dans le champ d'une hirondelle, dans un trou noir au fond du ciel. Mon corps s'étend jusqu'aux étoiles. Un écrin précieux musical. Indienne en finit plus, une chaleur profonde me tombe dessus. Je regarde au loin, je mets le nez dehors, je mets mes souliers et je cours plus fort. Je me connecte à la source, à ce qu'il y a de plus beau en tous. J'accomplis tout avec présence, je veux danser de tous les sens. Une aisance dans mes pas qui me conduit jusqu'à ta voix. Et quand la route est si facile, c'est que je marche sur le bon fil. Tout devient fluide, tout est parfait. Je me sens plus grande et plus en paix. Présentement, les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Justine Renaud, et je pense qu'on va la commencer tout de suite à chronique. Crainquez-moi, là, crainquez-moi. Surprise, c'est Justine au platine! This music is my getaway. I think about it every day. Let's see what they gonna talk about when I let it all out. Oui, Justine au platine qui s'est réveillée ce matin, ben de bonne heure, pour pratiquer son espagnol. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce matin, on écoute un album qui va vous sortir de votre froid hivernal quasi sibérien pour vous réchauffer des faux-fonds, hein? Parce que quand même, il fait frais, si bol. Pourquoi je fais une émission le matin, moi? Je sais pas. J'étais tellement bien jeudi après-midi, dans le fond. Qui a pris cette décision-là? Je sais pas. L'album dont je veux vous parler, c'est La Chorona ou La Llorona. dépendamment de où est-ce que vous habitez. Est-ce que je vais chez Rona, my chez Rona? Ouais, hey, t'as tellement volé toutes mes poches right there. Oh, non. Et non, ce n'est pas my chez Rona, puis non, ce n'est pas le magasin Rona, etc. T'as vraiment volé comme toutes mes poches. Mais c'est qu'on est tellement connectés, toi et moi. Wow. Ah, c'est quoi ton signe astrologique, donc? Poisson. Poisson. C'est bon, je vais avoir une chanson pour toi tout à l'heure. Merci. D'ailleurs, pour vrai? Mais t'es fine. Ah, cet album-là vient de Lassa de Sella. Vous avez peut-être entendu parler de cette femme-là. En fait, elle est canadienne. C'est la grande auteure-compositeur canadienne d'origine. Dans le fond, ses parents étaient mexicains. Puis, elle est décédée en 2010. Donc, c'est peut-être pour ça que vous en avez entendu spoiler. Parler. Oui. Spoiler alert, est morte. C'était pour fitter dans le thème de l'Halloween. RIP. Rest in peace. RIP. Quelle est ripée, celle-là? Celle-là. Oh, la de celle-là. Tu vas manger des rips. Chemise, yes. Des ripples. Des ripples. Des ripples. Des ripples. Les morts. Des reps, les morts des mangent des ripples. Oui. Ah, ouais. Hey, c'est ça. Ah, la Chorona dont on parlait. Oui. Là, j'espère que mon espagnol est bon parce que la dernière fois que j'ai parlé en espagnol à la radio, j'étais malade comme un chien. Oui. J'avais la grippe. Puis on m'a dit que je parlais pas pantoute. Ben, c'est que t'as une professeure latina, genre quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Italienne de italienne, ça a et de deux, rapport. C'est une collègue de travail qui vient de l'Argentine. Puis elle m'a dit, moi, je sais pas de quelle langue tu parlais, mais c'était pas de l'espagnol. Ça, je me rappelle certaines choses, mais j'écoute pas assez pour savoir exactement ce qu'elle m'a dit. Ah, oh, oui. Ouais. Donc, la Chorona ou la Llorona est le premier album de la chanteuse Lassa de Sella, produit et écrit en collaboration avec son guitariste Yves Desrosiers. Là, vous allez me dire, Yves Desrosiers, je sais c'est qui ça? Yves Desrosiers. Yves Desrosiers. Super mexicain, ça. Donc, Caliente. Moi, Caliente a participé à des albums, entre autres, en 1996, Le Dôme, la chanson Edgar de Jean Leloup. Il l'a co-composé. Et non pas décomposé ni composté. Ou cocomposé. Cocomposé. Comme quand tu prends des photographies de cocon. Ah, non, Mathieu, tu m'aides pas à rester on the right track. Excuse-moi, mais c'est tellement plus le fun de même. Oui, c'est vrai, c'est plus le fun. Il a aussi été musicien sur l'album de Rufus Wainwright, éponyme, ainsi que sur son autre album, Poses. Richard Desjardins a fait appel à ses services, ainsi que Sarah McLachlan et Pierre Lapointe. Dans le fond, il couche un peu partout avec tout le monde, puis il fait de la maudite bonne musique, Colin. Bon producteur. Si vous avez l'idée d'un CD, allez le voir. Ça se peut qu'ils vous disent « T'es qui, toi? » Ou « Qui es-tu? Tu ne te connais pas? » Ah! Hey, t'es bon. Oui, c'est ça. J'aime bien ça. Donde está el baño? Donde está, t'es qui, toi? Et où la salle de bain? Ah, ça, c'est oui. Où est? Ah, ben oui. Donc, ce premier album de Lassa vient de sa curiosité, de sa nostalgie pour ses racines mexicaines. En effet, son père détenait un diplôme de doctorat en littérature de la conquête espagnole du Mexique. Rien de plus précis. Conquistador. Le conquistador. Et la légende populaire de la Chorona ou la Llorona. Ouais, j'ai bien de la misère à dire ce mot-là. Quand j'étais petite, je pensais que c'était la Llorona. En tout cas, je sais pas, je pense que c'était autre chose. Bref, ce mythe-là provient de cette époque des conquistadors et la Llorona signifiant la femme qui pleure, selon Google Translation, si elle voulait dire la femme qui gémit. En québécois, ça veut dire la femme qui braille, puis okay. En français de France, c'est la femme qui chiale. Donc, en gros, c'est une femme qui renifle un peu là, puis qui pleure là, des enfants. C'est une femme, bref. Oui, c'était en fait, l'épouse mythologique de là, sérieusement, je m'excuse à toutes les hispanophones, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl? Quetzalcoatl. C'est comme... C'est un onomatopée oui. De mangeage de ripples. Avec la petite salsa de sel. La salsa de sel. Oh mon Dieu. C'est pas fin, ça. Hein? Donc, cette mythologie-là dit en fait que la Chorona, du nom de Maria, était en fait bien gros en amour avec un espèce de rancher, un jolly rancher qui venait des plaines. Une autre sorte de trompette aussi, ranch, d'ailleurs. C'est ça. Oui. Et lui, il était beau, il était fin, il jouait de la guitare, il faisait le beau cowboy sur son cheval. Dans le fond, c'est Johnny Depp. Et la Chorona, Maria, elle était follement en amour. Finalement, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Puis après ça, il a commencé à complètement se foutre d'elle. Il l'aimait plus, il prêtait plus attention, mais elle était encore complètement en amour. Elle a finalement tué ses enfants en les poussant dans la rivière parce qu'elle était jalouse de ses enfants qui obtenaient plus d'attention que lui, qu'elle, pardon, de la part de son rancher. Pas de Coco. En tout cas, lui. Mais la chose étant ici que Lassa de Sella le prend à un tout autre niveau. la femme qu'on peut entendre dans le fond pleurer sur le bord des eaux la nuit, là, c'est un peu comme une espèce de comptine d'Halloween là, qui disent que genre cette femme-là peut venir emporter vos enfants puis les garder pour elle, puis elle pleure puis on peut l'entendre pleurer puis son âme hante dans le fond les berges de cette rivière-là. En fait, elle a complètement détourné cette histoire-là puis elle a dit que c'était une femme qui avertissait ses enfants futurs des problèmes que pourraient apporter les conquistadors. Donc, c'était comme un peu par prévention qu'elle faisait ça et qu'elle voulait comme avertir ses futurs enfants de ça et peut-être en les lançant dans l'eau, ses vrais enfants. Là, j'essaie de faire des parallèles là, poétiques, mais ça, c'est un peu boiteux à matin. Là. En lançant ses enfants dans l'eau, c'est un petit peu comme une imagerie, un analogue à essayer de genre, je sais pas, prévenir ses enfants de ça, là, la conquête. Hey, c'est-tu clair à la maison? Oui, sérieux? Ben, oui. Parce que c'est difficile parce que vraiment, la CDC-là a complètement changé l'histoire de cette chose-là. Elle a vraiment adapté à son interprétation puis ça fit un peu bizarrement avec la vraie mythologie de cette affaire-là. Bref, on va revenir au vrai album, à La Chorona, qui s'est vendu à 400 000 exemplaires seulement en France et au Canada. C'est vraiment un excellent un album qui s'est vraiment très bien vendu et même certifié platinum, ça paraît-tu que j'ai pris mes sources en anglais? Mm-hmm. Platinum. Justin in Platinum. Canada. C'est ça. Certifié platine au Canada. Et au Canada, cet album a remporté un Félix ainsi qu'un Juno, sans aucun doute, parce que c'est de la musique d'excellent talent. Et je vais vous faire tout de suite entendre la première chanson qui s'intitule La Célestine, qui veut dire en fait l'entremetteuse ou en anglais The Matchmaker. On écoute ça à Justin au platine. Adiós, una y mi amor,

un grand happening alentour de son décès. En fait, qu'est-ce qu'elle a eu, c'est qu'en 2009, elle a été diagnostiquée avec un cancer assez virulent, un cancer du sein. Et en 2010, c'est-tu la veille New Year's Day? Non, c'est la journée, le 1er janvier 2010, elle en est décédée. C'était foudroyant comme mort. Moi, ça m'a complètement atterré parce que j'écoutais sa musique depuis 1998 à la sortie de son album, une couple d'années après la sortie de son album. Et cet album-là, quand j'étais petite, signifiait énormément. Je vous ai conté un peu l'histoire. Raconte-nous en onde. Ma mère s'est procuré l'album parce que moi, à 9-10 ans, j'avais pas cette c'était indépendance là, mais c'est pas non, j'avais peut-être une coupe de moyens, mais j'avais pas de large. Moi, j'irais pas au HMV à 10 ans. En tout cas, ou au n'importe quel disquaire, hein. On n'a pas de préférence, nous, chez... Non, c'est ça. Bref, j'ai fait connaissance avec cette musique-là. Ma mère, elle la mettait beaucoup lors de ses soupers mondains. Là. Elle recevait des gens. Puis elle mettait ça comme des gratins. Ouais. On écoutait la salle de salle en mangeant du gratin. Et en fait, elle m'avait dit, tu sais que la pochette a été peinte par la salle de salle. Imprimée, bien entendu. Ouais. Hein? C'est pas elle comme toute bosselée en 3D. Non. Elle avait fait les propres couvertures de ses propres salles. Exactement. Et c'est de toute beauté. Vraiment, c'est une artiste multi-talentueuse. Et c'est là que j'ai commencé à composer mes propres chansons et à dessiner mes propres pochettes. Vous me direz, ah ouais, maudite pas. T'as du talent, non? Oui, je dis ça. Mais, il y a un mais. J'avais beaucoup, j'avais des influences, en fait, un petit peu trop fortes. Mettons, ma pochette d'album ressemblait beaucoup trop à la pochette d'album de Aerosmith, de Big One. Et mes chansons ressemblaient un peu beaucoup trop aux chansons de Tina Turner, qui, en fait, la chanson « What's Love Got to Do With It », moi, je chantais « What do boys have to do with it? » Ah, OK. Fait que sur le même air. Si tu modifies 30% d'une œuvre, elle devient à toi, elle t'appartient. Donc, c'est vraiment ton art. 70% d'identité, c'est pas grave, ça. Un peu comme Lady Gaga puis Madonna. Et tout ça pour dire que, c'est ça, mon groupe s'appelait The Cracking Phones. Ah, cool! Et lors de mes prestations à l'école, en fait, on était The Spice Girls. Puis moi, j'étais Emma. Puis je la détestais pour mourir. Donc, voici ce que signifie cet album pour moi. Et en fait, peu importe tu es où aujourd'hui, là, ça de celle-là, sache que ta musique m'a beaucoup touchée et touche encore énormément de gens aujourd'hui. Bon. Donc, rest in peace en cette journée d'Halloween. Exact, c'est pour ça que tu nous as fait jouer ça. Oui. Ripples. Ripples. Ripples. Ripple m'a plu. Rappelle-moi. Ah, elle est drôle. Oui. Ah, la salle de celle-là avec Justine Renaud, Justine aux platines. Oui. On te retrouve aux 2 semaines seulement. Malheureusement, c'est triste, mais on va te retrouver dans 2 semaines. Oui, vous me perdez pendant 2 semaines. Après, on me retrouve une semaine. Mais t'es pas mort. Non, au moins. On peut s'attacher à toi. T'sais. Oui. Avec des tie wraps. C'est ça. Les auditeurs du matin qui sont tes nouveaux fans. Oui. Ceux qui s'ennuient de toi l'après-midi savent maintenant que c'est là qu'on te retrouve. Les oui. Jeudis à 7h30. C'est pas pour les leftos. Hein. Ceux qui étaient des leftards le jeudi après-midi, oubliez ça. Là, je viens de les perdre. Mm. Comme c'est des disciples perdus avec l'eau du bain. Ils peuvent encore t'écouter l'après-midi le samedi dans les meilleurs moments. Oui, je peux faire ça. Ouais, ouais. Ou tout simplement sur la balado-diffusion. Aussi. Tellement simple. On est vraiment des gens d'Adon. D'Adon. D'Adon. Juste pour ça. Ah, c'est pas l'action de grâce, hein? D'Adon. D'Adon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Eh bien oui, 11h44, c'est le moment tant attendu. Ah! Salut Michel Matteau. Salut Danny Janvier. Bonne semaine. Ouais, pas mal. est allé voir... qu'est-ce qu'on est allé voir? On est allé voir toutes sortes de shows. Je vais te compter ça tantôt. Yes, on veut en avoir plus de détails. Mais là, c'est le moment tant attendu. En tout cas, par les deux animateurs ici en studio, c'est le temps de la bière de la semaine qui nous est proposée par La Barrique. Et puis, on est allé encore. C'est la deuxième fois cette année. Avant, j'avais jamais fait. C'est la deuxième fois qu'on reprend une bière que j'ai déjà dégustée à l'émission. D'accord. Ça fait quelques temps. Mais c'était tout désigné. On voulait aller avec le thème de l'Halloween. On déguste la magouille. Bière à la citrouille, je suppose. Bière à la citrouille. Et ce qui est drôle, parce qu'au début, la magouille, on l'avait... là, c'est la deuxième ou troisième année qu'on la boit, qu'on la brasse, finalement. Et puis, je me rappelle, il y avait une bonne description dessus, je vais vous la lire. C'était assez drôle. Il y avait le côté magouille. elle est sortie, genre, dans le même temps que tout ce qui était... corruption, scandale à... Ça qui n'existe plus du tout. Ben non, c'est terminé, ça, tout ça. Hein? Donc, je pense que c'est encore une bière tout à fait de son époque. Juste pour vous décrire la magouille, la bouteille, eh bien, c'est une genre de citrouille qui me semble louche, mais qui sert office d'une île, genre paradis fiscaux, peut-être. Et il y a plein de sacs d'argent. Tu sais, comme tout le monde traîne son argent dans un sac avec un signe de pièce dessus. Quand on est sur la plage, il ne faut pas en manquer. Exactement. Donc, je vous envoie l'Halloween, c'est le temps de montrer la générosité. En bon chrétien, souhaite-t-on le fardeau ou le paradis à notre prochain? Hein? Ne dit-on pas qu'il y a deux certitudes dans la vie, l'impôt et la mort? Peut-on ne pas encourager nos semblables à trouver une façon d'éviter l'une de ces certitudes? Hein? Donc, ensemble, montrons l'exemple et soyons solidaires de ces chanceux en payant annuellement notre fardeau supplémentaire de 350$ pour chacun des membres de nos familles en âge de respirer. Un jour, ce sera notre tour et ce sera rendu au centuple. Ça va bien? On va se prendre un petit 6,49 avec ça. C'est ce qui est écrit sur la bouteille. Donc, c'est une bière un peu coquine, pour faire sourire un peu. Bon, c'est pas de la bière pour enfants, quand même. Non, pas pour enfants, mais presque. Seulement à 7,7% d'alcool. Bon. Donc, on déguste ça. Ça nous vient de la gang de chez Brasseurs Illimité, qui sont à Saint-Eustache, qui font toujours de bons, très, très bons produits. On va se l'ouvrir, cette bière. Ouais, c'est bien, ça va être plus sage. parce que vous voyez pas, là, c'est parce que Michel s'est levé. D'habitude, on est un peu cow-boy, des fois, dans le temps de verser nos bières, surtout pour des grosses comme ça. Tiens, je vais te verser toi là, parce que ça va être plus... Tu vas faire un moins col, peut-être un peu moins généreux. Elle est pas trop brouteuse, comme je dirais, moi. Ça se dit pas bien, ben, mais moi, je le dis à brute. Tiens, viens ici, je vais te brouter. On sent le parfum tout de suite en ouvrant la bouteille, par exemple. Le parfum de le gâteau aux carottes? Ben, je cherche la citrouille, évidemment. Ouais, mais souvent, là, je vais te dire, c'est ça, les bières à la citrouille, souvent, c'est pas la citrouille que tu vas goûter. Tu vas vraiment goûter le gâteau de pain d'épices. Mm-hmm. Tu sais, les épices, le gingerbread, là, le gingerman bread, là, comme le petit bonhomme de pain d'épices. Souvent, c'est ça. Là, je m'en rappelle plus vraiment. On va essayer, voir. Hey, j'ai fait ça sans cérémonie. Je l'ai ouvert sans la mettre au micro pis tout. Ah! Oh, et Seigneur. Super du décorum, là. Ah, vraiment. Hey, sur ça, on baisse la trame. Ah non, on va la remonter pour pas qu'on s'entende trop saper. Et puis, à la tienne, Michel, on déguste ça, voir. À la tienne. C'est vrai qu'on est plus dans les épices. Ouais, mais moi, je trouve qu'il en manque un peu. Non, mais gay, écoute. Oui, qu'est-ce que il te manque toujours quelque chose. Ah, c'est ça, c'est un éternel insatisfait. Non, mais dans le sens que, très stable, par contre, une belle bière équilibrée, il n'y a rien de dérangeant dans cette bière-là, ça c'est officiel en partant. Les notes, justement, d'épices, moi je trouve, j'écoutais tantôt les gars parler à la barrique, puis il y a plusieurs bières à la citrouille, hein, c'est la mode, sortir une bière à l'Halloween, tout ça. Et souvent, les gens trouvent que, justement, ça goûte trop le gâteau de pain d'épices. Moi, personnellement, je disais rien dans la discussion, mais moi, tant qu'à prendre une bière à la citrouille, j'aime ça qu'elle goûte un peu le gâteau de pain d'épices. Donc, bon. Muscade, cannelle, girofle. Hein? Gingembre. Mm-hmm. Exactement. Moi, c'est quelque chose que j'aime puis que je trouve qu'il est réconfortant en cette période de l'année. Mais bon, ça me rappelle les gâteaux de maman. Mais c'est vrai que ton terme tantôt, elle est équilibrée. Oui. On n'a pas d'immense surprise, mais très agréable à boire. quand même une amertume qui est là. Hein? Mm-hmm. Moi, je trouve que, tu sais, il y a des bières, des fois, comme ça, justement, les bières trop gâteaux, il n'y a aucune amertume. Celle-là est beaucoup plus rafraîchissante, comme avec sa note d'amertume. Ça, on est sûr de la shot, là. Ça, c'est très bien. Et comme je le dis à chaque fois, pas trop sucré, fait qu'on peut en boire plusieurs. Exactement, tout à fait. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je jasais justement avec un des gars de la barrique tantôt. Puis tu le sais, moi je trippe ces grosses bières bien fortes, puis souvent sont très sucrées. Mais étrangement, ces temps-ci, j'ai de la misère. Je m'en achète des fois, puis j'ai de la misère à la finir. D'habitude, je la buvais, puis je la voyais même pas passer. J'en ai comme trop pris régulièrement. Le côté trop sirop, je le trouvais difficile un peu à digérer. Ben, tu vas devenir un vrai buveur de bière bientôt. Arrêtez de manger, boire du gâteau. Je sais pas comment prendre ça, là. Boire de la bière, si tu bois de la Molson. Non, mais de l'amertume, une certaine amertume, c'est toujours le fun. Ben, pas tout le temps, mais bon. Non, moi, j'adore ça. OK. C'est pour ça. Je dis que... Mais hey, en parlant de bière... Oui. Hier, j'ai dégusté la bière sur la planète qui est supposée être la meilleure bière du monde. Bon. Hier. Ça vient-tu de Belgique? Ça vient de Belgique, tout à fait. C'est la Westvleteren. Bon. C'est une bière qui est à peu près introuvable. Pendant des années, je me rappelle, nous autres, on allait au trèfle, le pub irlandais, trèfle au centre-ville. Et puis, était dans les... y a quelqu'un qui cogne, on sait pas trop, mais on n'est pas prêt. Hein? Moi, je sais. Ouh, on se fait déranger, c'est vraiment désagréable ça, je trouve ça vraiment manque de savoir-vivre total. Mais bon, c'est ça, je sais plus ce que je disais. Oui, on allait au trèfle. Oui. Hey, sérieux, ça m'énerve ça. Là. Bon, ça mais continue, laisse-moi. Parce qu'on se fait déranger dans le studio ici, par. En tout cas. On l'avait dans le menu. Je sais pas si t'es déjà allé au trèfle, mais il y a un immense menu, autant des bières que des whisky puis des scotch. Et puis, dedans, il y avait la Westvleteren, mais tu lisais en petit caractère, il était écrit « Un jour, on l'écrit là parce qu'on souhaite un jour la voir, puis nanana. » Hier, c'était la fête de ma copine, on est allé. Là, je la vois, puis là, je me mets à rire. Je dis au gars, je dis « Viens pas me faire à craindre que vous avez de la Westvleteren. » Il dit « Chris, on a, oui, je te le dis. » Fait que effectivement, il y en avait. Ils ont eu là, quelques, même je te dirais peut-être un an, ils avaient reçu deux caisses deux caisses. Et il en restait encore quelques-unes parce que est quand même assez chère, disons. Ça se tient-tu longtemps, ça? Oui, la bière, des bonnes bières, là, ça se fait vieillir très, très longtemps, surtout les bières sur lit et tout ça. Mais juste te dire, là, la petite 330 ml, 32$. Oh! Ça fait cher à la gorgée. Ça fait cher à la gorgée. Ouais, on s'est payé ça parce que, écoute, même quand j'étais en Belgique, j'entendais parler de cette bière. J'en ai dégusté de toutes les sortes. C'est une bière d'abbaye, là, une bière de trappiste, de père trappiste. Et puis tout le monde nous parlait, ça vous prend la Westvleteren, ça vous prend la Westvleteren. Et c'était comme une légende, c'est comme si ça n'existait pas. Parce que la façon de fonctionner, c'est qu'eux, ils n'ont pas de distribution vraiment. Les pères de l'abbaye, eux autres, ils font juste ouvrir, mettons, je sais pas, le dimanche, le magasin est ouvert. Il y a une route qui se rend à l'abbaye. Et puis, c'est deux caisses par voiture. Et puis, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Fait qu'il y en a qui attendent des heures pour en avoir puis qui n'en ont jamais. Fait que hier, on s'est dit, oui, c'est cher. C'est bon? C'était pas bon. C'était bon, mais moi, je trouve pas que ça vaut le prix. Ben là. Non, mais je te le dis, tu sais, il y a des trucs comme ça dans la vie. Moi, je trouve que c'est important de se payer des luxes, là, pour vrai, parce que sinon, t'es toujours dans la médiocrité. Comme là, un parking à l'université. Ouais, ça, c'est du luxe en tabarouette. Mais moi, je trouve que c'est important. Puis c'est important de savoir, quand on parle de bière, c'est le fun d'avoir goûté ce qui est les moins bons puis les meilleurs. Je trouve que ça donne une justement, je suis content d'y avoir goûté parce que je m'en rajouterai pas nécessairement, tu sais. Ben oui. Et puis si quelqu'un m'en parle que la Westvleteren, c'est la fin du monde, ben, je vais peut-être dire, ouais, c'est bon, c'est très bon. Mais il y a plein de bières que je paye à 10-15$ pour un 750 ml que je trouve vraiment aussi bon. Et puis, il y avait eux autres, il y en avait même une autre bière d'abbaye qui vient de Belgique. Il était même écrit dessus « Goût presque similaire ou pareil à la Westvleteren ». Puis, il était genre à 11$ au lieu d'à 32$. T'sais? Fait que, à un moment donné, des fois, faut-tu mettre les choses en perspective. On est loin d'Halloween, là. C'est pas grave, ça. On parle de bière. Parle-moi de ta bière, puis on va te l'écouter. J'ai pas de bière, moi. Ben oui, t'as une belle petite magouille, là, entre les pattes. Très bonne, d'ailleurs. Moi, franchement, ça me plaît beaucoup, ça. Ça te plaît? Oui. On va aller parler avec Bière Luc, sur ratebeer.com. Je vais t'envoyer les trucs. S'il y a des trucs que tu trouves que ça a du sens, on le dit. On parle de Bière Luc, qui en a quand même critiqué 600 à cette époque-là. Je parle ici de la deuxième batch de 2012, qui est une recette considérablement différente de celle de 2011. Donc là, ici, on a 2013. C'est une recette encore considérablement différente. Mais on n'a pas encore elle vient juste de sortir, donc on n'a pas vraiment de référent. On va aller voir. Toi, tu vois-tu une différence entre celle de l'année passée? Tu t'en souviens? Je m'en souviens pas assez. Il aurait fallu que j'écrive ce que je pense, mais non, je m'en souviens vraiment. On en boit pour vrai tellement que bon. Les bières à la citrouille goûtent plus souvent qu'autrement davantage les épices que la citrouille. Muscade, cannelle, girofle, etc. Voilà ce qu'on nous sert généralement dans une ale à la citrouille. Plusieurs brasseurs poussent même l'audace jusqu'à ne pas utiliser même de citrouille dans leur bière à la citrouille. Ce constat me fiche la trouille, dit-il. Chez Brasseurs Illimité, on a décidé d'embouteiller un produit brassé avec près de 1000 livres de citrouille et ça paraît au goût. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas que ça goûte la citrouille, personnellement. Non, je vais pas retrouver la citrouille. Puis la citrouille est pas très goûteuse, hein, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu fais un potage à la citrouille. T'es mieux de mettre de la crème. T'es mieux de mettre de la crème, puis t'es mieux de mettre des épices, justement, de la muscade, puis des trucs du genre. Puis du sel, hein. Donc, on nous dit, ça paraît au goût, elle ne fait pas l'unanimité, mais personnellement, j'ai aimé boire une bière à la citrouille qui est à la citrouille. Elle est honnête et goûteuse. Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit, une bière équilibrée qui ne révolutionnera rien. Mais qui est intéressante. Absolument. Sinon, on y va avec lui, Beer Golem. Il nous dit que c'est une belle robe orange, plutôt brune qu'orange. Ben, ambrée, je dirais. Ambrée, oui, tout à fait. Surmontée d'un collet blanc, beige et crémeux. Non, pas du tout. On n'a pas de collet. Il a disparu. Ah, et qui disparaît presque entièrement. Oui, c'est vrai. Légère dentelle, arôme de malt et de citrouille, très subtil. Là, on est là. Vraiment un arôme de malt. On goûte vraiment la céréale. Le goût de la citrouille est plus présent, nous dit le malt, le clou de girofle, le gingembre et des notes d'alcool. Non, pas moi j'ai pas de vraiment beaucoup d'épices. On en a, mais sont trop subtiles pour ma part. Je trouve qu'ils sont plus présentes au nez qu'en bouche. Je sais pas ce que t'en penses, Michel. Ouais. Mais en bouche, c'est comme tu disais, c'est équilibré. Mais on peut pas dire qu'il y a une saveur qui ressort en particulier. Non, c'est ça. Mais au nez, si tu le sens, tu vois, les épices peuvent être là. Tu sais, on la sent la muscade, la cannelle un peu, moi, je trouve. Ouais. Mais très, très, très subtil. Très léger. Oui. Une bonne bière à la citrouille, bien meilleure que ce à quoi je m'attendais, dit-il. Un point bonus pour le concept en général. Justement, le côté un peu pas très sérieux de la chose. Sinon, on en a-tu d'autres? On va aller voir juste une petite dernière. On s'en fait une petite dernière petite nouvelle? Parce qu'il y en a... Oh, tiens, on va se faire Viper 666, que je prends très, très souvent ici en exemple. Il y en a quand même critiqué 2763 bières. Il sait un petit peu c'est quoi. Il dit de couleur cuivrée, dorée et claire. Quand même. Nez moyennement épicé de muscade, moyen grain de céréales sucrées, très léger citrouille avec de petites notes de caramel. Ouf, caramel pas tant. Biscuits et houblons herbeux. Oui, herbes mouillées, moi, beaucoup plus. Quelques traces terreuses aussi un peu, moi, je trouve. Moyennement ronde en bouche avec un pétillement moyen. Pas de pétillement. Il n'y a presque pas de gaz dans ça. Mais plus elle se réchauffe, plus les épices se découvrent, je trouve. Donc, il dit moyennement en bouche. Bon, il dit une texture très légère, huileuse et aux petites notes crémeuses. Moyen goût épicé et terreux, muscade, terrasse de racines de gingembre. Très, très en trace. Accompagné d'un léger moyen goût de citrouille et de petites notes de légumes bouillis. Oui, ben moi, plus que de citrouille. Ça goûte plus, tu sais, vraiment. Hors de l'entrée en bouche auquel se rajoute un goût de grains de céréales et de faibles notes rôties avec des notes de pain et de biscuits secs, ainsi que des traces de caramel. Puis en finale, on retrouve une légère amertume de houblon herbeux. Tout à fait. Sérieux, Viper 666 est très, très, très juste dans sa description, je trouve. Il dit des faibles traces de noix asséchantes. Ouais, c'est tiré par les cheveux. Post-goût moyen, légèrement amer de houblon herbeux avec des notes épicées et des traces d'alcool, mais très doux. Je pense que ça décrit bien la bière. Une bière, justement, peut-être pour vous ce soir, en attendant les petits Halloween qui viennent vous quêter des bonbons. Ça va être plus intéressant de boire une petite bière moins plate que juste répondre à la porte. C'est pas mal ça, moi, je trouve. Sur ce, 11h59, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette bière, mon ami? Excellent. Moi, j'aime beaucoup. Excellent. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons.